vous êtes à CIFU. Pour plus d'informations, visitez CIFU.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. On goûtera un produit du terroir, dans notre segment alimentaire Grosse Pointe Tendresse. On achètera des gadgets complètement ridicules dans 5 secondes, vous êtes de répondre là. Assemblage Reiki commence tout de suite. C'était pourtant mon expression à moi. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 11 février 2016, 75 jours avant la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania. Salut. C'est notre jour préféré où la chanson t'aime, celle où on chante. Oui. Oui. Yay! Hey boy, hein? Ouais. Donc, le plan d'aujourd'hui, Tania, on a à 8h30 une grosse pointe tendresse, notre classique du jeudi où on goûte à un produit, oui, du tiroir. Je l'ai bien dit, c'est mon invention et je me suis trompé dans l'intro. Donc, produit acheté dans une section malbouffe de l'épicerie ou d'un dépanneur. Ça, c'est à 8h30. On va aussi parler de nouvelles de fast-food, bien sûr, autour de ça. On va s'acheter des gadgets inutiles et ridicules dans Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, on a une grosse, grosse rafale de ces gadgets-là. Oui, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Absolument, absolument. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Il y a tes chroniques. Tania, est-ce que tu as un titania? Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, bien, évidemment, là, c'est en fin de semaine, c'est la Saint-Valentin. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça, mais peut-être pas comme vous vous en attendez. Ah, c'est tout ce que je dis. Oh. C'est ça. J'aime pas ça voler mes punch en début d'émission. Non, c'est ça. Hey, punch aux fruits, c'est rare qu'on boit ça. Tout à fait. Ce matin, je vais t'avouer que j'aime beaucoup mieux le café. Oui, en effet, j'apprécie. Petite soirée de sommeil seulement de ce côté-là. Ben oui, c'était le party d'université de la Saint-Valentin hier du côté de la Grange. Lequel? Il y en a plein là, de ces temps-ci? Oui, ben il y en avait un hier, il y en a un ce soir. Puis je pense qu'il y en a un vendredi aussi. Ouais. Mais ce sont tous des parties organisées par différentes associations. Donc, automatiquement, ça n'engendre pas la venue du même monde, mettons. Ouais. Mais on y a été hier avec quelques amis à moi. Et comme je fais le 28 jours, j'ai super bien relevé mon défi. Le 28 jours sans alcool, faut exactement. Dire. Je dois avouer que je pensais que ça allait être plus difficile que ça, mais non, ça a super bien été. J'avais une bouteille d'eau, tout a bien été. Donc, de ce côté-là, j'ai gardé mon défi droit devant moi. Et j'ai dansé toute la soirée jusqu'à 3h du matin. Hey! Donc, ouais. Et j'ai... t'es levé à quelle heure, 6h? 5h40. Oh! Ouais. Ouais. Mais j'ai snoozé, là. Ouais. Elle est difficile le matin. Pauvre toi, Tania. Tu cours après, mais pauvre toi quand même. Hein? Mais il faut ce qu'il faut, là. Ben tu voilà. J'ai l'impression d'avoir fait un entraînement de 4 heures de temps. C'est ça. Ben, tu sais, puis en même temps, ton défi, t'es rendu au tiers. Oui, ça va ben bien. Oui. Ça va très bien. Ça va super bien. Merveilleuse journée pour nous. Mm-hmm. Ouais. Donc, dans quelques instants, on va commencer déjà en achetant des gadgets, mais pour l'instant, voici tout ce que je désire à la pièce Desire de Dilly Dally. À Assemblage Reiki. We'll be right back. C'était Dilly Dally et la pièce Desire à Assemblage Rocky. Et comme j'ai dit tantôt, en fait, je vais faire la même référence, là. Mm-hmm. Mais tout ce que je désire est sur Internet et ça coûte cher en tabarnouche. Ouh là là! Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça existe, ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet. Et on commence avec une suggestion de notre auditeur et collaborateur fidèle, Sébastien F. Gartin. Mm-hmm. Il m'a envoyé un article de la presse sur la marchandise des différents politiciens. Primaires et autres en ce moment. Donc, une tasse Feel the Burn, par exemple. Hein? Feel the Burn comme Bernie Sanders. Mm-hmm. Hein? Mot brûlure, tu sais, c'est un jeu de mots quand même assez fancy. $15 américains. OK. Pour ça. Sinon, bavette pour bébé avec le même slogan, $15 américains. Et le t-shirt Bernie for President coûte $25 américains. Pas si cher. Ça aurait pu être plus dispendieux que ça pendant une campagne. C'est vrai, non, ça a du sens. Et lui, on sait qu'il ramasse des petits dons. Il n'y a pas de grande corporation derrière lui. En fait, il refuse les dons de multinationales et tout ça, et de plein de philanthropes. Donc, il prend l'argent du public à la place et il en ramasse plein. Ensuite, le contrat total, c'est celle qui accepte des dons de pas mal de monde, des grosses compagnies. Et bref, c'est la marchandise de Hillary Clinton. Il y a un foulard pour chien. OK. OK, $18 américains. Un coussin, a woman's place is in the White House. Un peu comme on dit la place de femme est à la maison, le cliché. Mm-hmm. Donc, la place de femme est à la Maison Blanche. $55. Hey! Ça, je trouve ça un peu cher. Moule à biscuits, $10 américains. OK. On n'a pas les photos, malheureusement, pour pouvoir les décrire. Mais, c'est quoi, elle a des moules à biscuits avec son visage dessus? Ça montre pas la photo, mais j'imagine qu'il y a sa face dessus, sinon son nom. Ou son gros H avec une flèche dessus. T'achèterais tout ça? Jamais de la vie! Jamais de la vie! Mais fleur pour chier, ça pourrait être drôle. Ouais. C'est un peu misogyne. En effet. Tu sais, un fleur de chien, ça fait un peu genre Hillary Clinton, c'est une chienne. Ça marche pas. Ah, OK. Bon. La marchandise de Ted Cruz, maintenant, un cahier à colorier avec la face de Ted Cruz, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour $10 américains, une affiche, $55, refroidisseur pour bière. Lui, il gagne des points avec ça, là. Chez les Républicains, je pense que oui, hein, donc $22 américains. Évidemment, la marchandise de Donald Trump, le classique, la casquette Make America Great Again, ouais, que la presse traduit en redonner sa grandeur à l'Amérique. OK. OK, ben, si tu veux, là. $25 américains, chandail pour chien, $15, je sais pas où qu'est-ce est la mode. Qu'est-ce avec les chiens? C'est bizarre, hein? Les chiens, qu'est-ce que ça a rapport avec... C'est pas les chiens qui vont aller voter. Non. Les cochons votent, on a entendu au dîner de con hier dans un fait. Oui, un cochon de 400, 600 livres qui voulait voter. Ensemble pour bébé, une pièce, donc un onesie, hein, $18 mm-hmm. américains. Chez Marco Rubio, notre célèbre robot qui répète 4 fois la même phrase dans le même débat. Là. Carte cadeau, 10, 25, 50 ou $100 américains. C'est une carte cadeau de Marco Rubio. Mm. Ça a été fun, ça avait été des rubis comme dans les jeux de Zelda, tu sais, Ruby. T'sais. Une tasse Wake Up America, Debout l'Amérique, $25 américains. Pas super, ça. Un étui pour un téléphone portable, $30 américains. OK. Donc, quand même, il y a des produits à se procurer sur la campagne politique, les campagnes en fait des différents candidats. Vous pouvez aller voir tout ça sur assemblagerequis.com, sauf que la presse, non seulement n'a pas de photos, mais en plus, pas de lien pour aller acheter les produits. Donc, vous allez devoir vous débrouiller. Maintenant, on vous permet d'être propriétaire de l'île de Manhattan au grand complet. Oh, mais bien pas grandeur nature quand même. Non. C'est une firme de design et d'architecture à New York, AJSNY ainsi que TO plus WN, donc Town, veulent vous donner l'opportunité d'être propriétaire d'un modèle 3D de l'île de Manhattan au complet à une échelle de 1 pour 500 qui peut être utilisé pour décorer votre mur, votre bureau, votre table à café. Le modèle, c'est des tuiles de 6 pouces, il y en a 200, plus de 200 en fait, qui représentent une partie spécifique de la ville. Ça utilise des scans aériens détaillés. Les designers ont pu inclure presque chaque bâtisse de la ville. Vous pouvez aller voir des photos sur assemblagerequis.com et les carrés sont divisés en codes, donc tu peux commander le 03B, le 06C. C'est vraiment cool. J'imagine que c'est pas fait pour ça, mais j'imagine aussi que tu peux le peinturer. Ouais, probablement, si oui. Ouais, c'est ça, parce que c'est comme en espèce de plâtre, ouais, là. Ben, ça a l'air d'être vu que c'est imprimé en 3D. D'après moi, c'est une genre de résine plastique. Ah, ouais, sûrement. Mais oui, fort certainement, à mon avis, tu peux. Donc, le projet est présentement le focus d'une campagne Kickstarter qui offre des tuiles individuelles pour $75 chaque. Mmh. Ça va augmenter à $125 par tuile à la fin de la campagne. Il y a aussi une version qui contient chaque tuile pour le prix astronomique de $25 000. Mais ça s'est rendu à son but. Ils ont réussi à récolter leur argent. Mais oui, mais là, c'est tellement cher. Ah, yoy, en effet. 25 000 $ pour avoir la ville. C'est moins cher que la vraie. Ouais. On parle souvent d'alcool dans Ça existe. Ici, c'est une flasque de 8 onces qui est déguisée en canne d'aérosol genre Axe. Parce que c'est vraiment très drôle. Dans d'autres pays, la marque Axe s'appelle Lynx, en fait. Je sais pas si tu savais ça. Je pense au Royaume-Uni, ça s'appelle Lynx. Donc ici, c'est vraiment une copie de la vraie bouteille de Lynx. Donc c'est, ça coûte 19 $. C'est la Bevcan Secret Body Spray Flask disponible chez Monty Flasking. Excellent jeu de mots avec multitasking. Hein. C'est vraiment donc une flasque de métal de 8 onces. Et c'est à peu près ça qu'il y a à dire. Hein. C'est la flasque la plus furtive au monde, disent-ils. Ça a l'air exactement de la même canette qu'on achète au magasin. Incroyablement réaliste. Le bas est fait d'aluminium, le dessus de plastique moulé, avec tous les détails du capuchon d'origine. Et surtout, l'imprimé dessus est presque identique à la canette de Lynx. Ça répète beaucoup la même phrase, donc voilà. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? 8-11. C'est beaucoup, ça? Ben, quand même. OK. C'est quoi, si tu le bois pur, Oh, ouais, j'avoue. C'est... Hein? C'était pour être mélangé. Ça ouais, serait le fun. Ça. Ce serait encore mieux si tu pouvais vraiment sprayer la vodka. Ah, ouais, mais je suis pas certaine que ça serait super bon. Ben, la canne est en métal. C'est pas pire qu'une canette de bière. Bon. Non, mais spray ça quand tu sprays du Axe, il y en a partout qui revolent. Il y en a qui revolent la partout. La vodka partout. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? T'agaspille. Hein? Parfait maintenant pour votre chambre décorée à la année 90. C'est une gigantesque chaise, un peu comme les gros poufs avec des miettes dedans de je sais pas quoi, de petites. Tu sais, des poufs là, que c'était vache dedans, comme je sais pas si c'est du riz ou quoi. Beanie bags. Des beanie bags, exactement. Sauf qu'à la place, ça ressemble à un gummy bear. Il est cute. Et c'est gonflable avec de l'air dans ce cas-ci. Donc, il y a 40 $ pour la gummy bear chair disponible chez VAT19. Il y avait aussi un gros gummy bear de 26 livres qu'on pouvait acheter sur le même site, donc pourquoi pas prendre les deux en même temps. C'est seulement disponible en rouge. Bizarre qu'il n'y ait pas de choix de couleur. C'est bien malheureux. Donc allez voir les photos. C'est ça, ça ressemble aux chaises qu'on avait quand on était jeune. Un peu comme celle remplie de beanie bag, là, mais de beanie truc, mais gonflable. Ouais. Pourquoi pas. Ensuite, c'est une serviette pour aller faire un pique-nique, une couverture si on veut, mais qui ressemble à un gros tapis oriental. OK. C'est le Fat Boy Picnic Lounge, 82 pouces par 107, et qui ressemble donc à un vrai tapis là, oriental asiatique. Ça coûte 250 $. Peut-être un petit peu trop cher pour une couverture de pique-nique. Mais bon, et les fourmis vont quand même monter dessus. Hein. Ouais. On repassera. T'as beau mettre ton beau buffet dessus, ça reste que t'es dans la nature. Ensuite, mais il est super beau. Oui, très beau. Oubliez les accidents quand on va à la toilette la nuit avec l'Illumi Bowl. C'est la bolle de toilette, en fait, activée par le mouvement. Ça coûte 20 $. Ça s'accroche à votre couvercle de toilette entre le siège et la bolle. Ça va illuminer la bolle avec une couleur présélectionnée de votre choix. Lorsqu'il le sent, dans le fond, par détecteur, j'imagine, de mouvement que tu es entré dans la pièce. Comme ça, tu n'auras pas à t'aveugler ou à aveugler les autres si la chambre est proche de la salle de bain. Ou risquez de faire pipi sur vos magazines, ou peu importe. Donc, c'est ça. C'est tout simple. Ça s'accroche un peu comme les trucs de liquide bleu, là. Mm-hmm. Ça s'accroche à l'intérieur. Ça s'accroche à... Voyons! Ça s'accroche à l'extérieur, à la place. Mais c'est la même genre de choses visuellement. Ensuite, faites que n'importe quelle pièce sente pareil comme Disneyland avec des chandelles. Oh! Ouais, donc des chandelles thématiques Disneyland. C'est On dirait que candles. Je doute les noms, par exemple. Il y a Soarin', je sais pas trop ce que ça veut dire. Ben, tu sais, comme s'envoler, si on veut. T'as Manoir Hanté. Ça sent quoi, un manoir hanté? J'imagine le vieux bois puis la poussière, ouais, c'est ça, peut-être? Ah, ouais. Quelque chose de genre. Donc, c'est sur leur boutique Etsy qu'on peut acheter ça. Soarin', en fait, est basé sur Soarin' Over California, un manège spécifique. C'est comme ça sent les arbres, un peu. Haunted Mansion, ah, tiens, ça sent les tapis poussiéreux, les meubles poussiéreux. Le gazon dans la cour et les fleurs avec un petit peu d'extrait de jasmin. Ils ont aussi fait des chandelles inspirées par la nourriture qu'on retrouve chez Disney, donc les churros, le Dole Whip et Main Street Bakery qui sort le café aux noisettes et les biscuits au sucre. C'est fait donc aux États-Unis, 16 $ par chandelle, ça vient en emballage de 3 à 45 $ si vous voulez. Et puis c'est présentement disponible. Donc voilà, Disney Parks and Resorts Series, d'après moi, là, ça doit pas être... sous licence. Tu penses? Ben, je vois pas le logo de Disney nulle part. Mais il y a la petite, le petit château. Un château similaire. Ah, c'est sûrement pas le même château. Sûrement. Ouais. Peut-être. Maintenant, on va boire encore un peu. C'est du bourbon À savoir de beurre d'arachide et de confiture. Peanut butter and jelly, PB&J comme on l'appelle. Donc c'est Firebox, encore une fois, tout le temps c'est Firebox qui vend ça pour 68$. Fusion, donc de beurre d'arachide, de sirop de confiture à la framboise et de sel de rocher himalayen. Oh, écoute, ça, ça vient faire toute la différence. Aïe, aïe, pour vrai, et au bourbon, ça ne peut pas être mauvais. Donc 60$ pour acheter cette bouteille de 500 ml. C'est pas si pire. 36% d'alcool. En plus? En plus. On reste dans l'alcool avec des coupes de vin à l'envers. Toi, t'as décidé de mettre toutes les choses par rapport à l'alcool pendant le mois où que je peux pas boire. Ah, hein? J'avoue, ben, c'est un hasard total, un hasard. Donc, ça coûte 7 livres sterling, donc 10$ américains environ. C'est l'Upside Down Wine Glass disponible chez Red 5. On peut boire donc de la base. Imaginez-vous une coupe à l'envers et le liquide est au fond de, de ce qu'on appellerait habituellement le haut de la coupe. Hein. Mm-hmm. Et on boit par le dessous, donc ça passe par la petite tige de la coupe et ça va dans la bouche. C'est très drôle. Très bien. J'aime bien l'idée. Pourquoi pas? Donc, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi comme alcool dans ce réceptacle. Voilà, là. Ensuite, vous voulez aller voir, vous voulez avoir l'air fancy, vous voulez avoir l'air d'une vedette d'Hollywood, peut-être. Hein? Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Provenez-vous avec un sac qui contient 500 000$ de faux argent américain. Hein? Donc, un sac noir, un duffel bag, un sac de sport, comme on l'appelle, qui a l'air d'être tout défait à l'extérieur, comme un vrai sac de sport qui n'est pas 100% neuf. Très convaincant. Et ça vient avec 500 000$ de faux argent. Tout ça pour le merveilleux prix. Très à la baisse, donc de 300$, presque 260$, monsieur. 260$. Ouais. C'est. Mais là, rappelle-moi, est-ce que t'as dit que c'était de la vraie argent? Ben non. En plus. Ben non. Crap money. Non, mais ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu, mais non, jamais, jamais de la vie. Pas pour ce prix-là. Terrible. Terrible. Ensuite, Star Wars, est-ce que t'es femme un peu? Ton père. T'es bonne, t'es bonne. Hey, cool. Donc, tu pourrais te prendre des cours de lightsaber, de sabre lumineux, Tania. Hein? Oui, apprenez tout ce qui est nécessaire pour devenir un vrai Jedi en vous inscrivant pour ces cours de sabre lumineux basés sur de vraies techniques de combat à l'épée. Ces classes interactives vont vous enseigner tout ce que vous avez à savoir pour passer de jeune padawan à maître Jedi. 25$. Je vais t'avouer que là, ça me parle. C'est de saberauthority.com, votre source pour la force, disent-ils. Hey, ça là! Hey, je suis en train de regarder la vidéo promotionnelle. Ouais. Ça te donne-tu une idée à quel point je suis mindée? Hey, pour vrai, c'est malade. Et en plus, tu peux te commander des sabres prêts à commander. T'en as des prêts à construire, donc vous allez pouvoir vous construire vous-même. Des batteries, des chargeurs, des lames et des accessoires. Sur leur site, on peut se procurer des sabres lumineux, sabres laser. Hey, ils sont vraiment bons un peu! C'est incroyable. TheSaberAuthority.com. Voilà. Ensuite, c'est un complexe Pac-Man pour vos chats. Si vous avez beaucoup de chats et que vous aimeriez qu'ils puissent grimper sur les murs, hein, à place d'être tout le temps en train de s'évacher à terre sur le plancher, donc sur le mur, vous pouvez installer ces structures-là qui sont comme des structures cylindriques de tapis, OK? Et avec les cylindres placés de façon à reproduire la grille d'un jeu de Pac-Man, et t'as des tapis entre les poteaux pour que les chats puissent se mettre là. Donc les chats sont sur le tapis, entre deux poteaux, et peuvent courir et passer au travers, et vous pouvez l'installer sur... sur le mur ou sur le plancher, j'imagine qu'on pourrait essayer sur le plancher aussi. J'ai pas vraiment de raison de pas le faire, j'imagine. La façon que c'est fait, je pense qu'on pourrait. Donc, ils pourront courir entre les labyrinthes de Pac-Man pour 700$. 700$ sur le site de Etsy. Encore et toujours. Juste ça. Disponible au Canada pour 862,56$. Le maudit taux de change. Ensuite, c'est un sac à dos portable qui vous permet de ressentir la bass. Tantôt, on voulait ressentir le burn. Ouais. Feel the burn. Là, on feel the bass. Sans se défaire les oreilles. Hein, si vous aimez vraiment beaucoup la bass, peut-être que vous pourriez aimer un woofer, un super gros woofer dans votre voiture. On aime ça faire trembler le sol. Ben, à la place de faire ça, pour pouvoir le transporter avec vous, c'est le sub-pack qui envoie la bass dans votre poitrine en passant par-dessus vos oreilles. Donc, on appelle ça une technologie audio-tactile en instance de brevet. Et l'idée est de canaliser les fréquences entre 5 et 125 Hz vers le sac à dos, qui permet aux oreilles de focusser sur les fréquences plus élevées, alors que la bass va directement dans ta poitrine. La batterie dure 8 heures et peut être connectée via une prise audio 3,5 mm ou via Bluetooth par streaming pour 400$ américains. Mais je t'avoue, hier qu'on dansait près des haut-parleurs. Ouais. Puis ce matin, je me suis réveillée avec un sérieux mal de tête et un sifflement dans le fond de mes oreilles. J'étais là, bon... Je pense que ça vient prouver à quel point je suis rendue vieille. T'aurais pu avoir mal à la poitrine si t'avais eu le... Ah, est-ce que tu crois que ça fait mal? Ben, j'imagine beaucoup de baisse, il me semble, dans le corps, peu importe c'est où. C'est, ben, c'est comme un harnais, hein? Ouais. Fait que je sais pas, c'est peut-être. Il va falloir l'acheter. Ensuite, une voûte pour votre voiture. Tu sais, entre les deux sièges dans l'avant, entre le conducteur et le passager, t'as souvent une petite console où tu peux mettre des CD. Là où on met la plupart du temps beaucoup de cochonneries. Et plein, des fois, ça peut être la poubelle, peu importe. Ouais. Donc, pour garder vos affaires bien précieuses à l'épreuve des voleurs, c'est une voûte qui remplace votre console. C'est intelligent. Donc, assurez-vous que vos choses restent en sécurité avec cette voûte en acier. Ça dit 12-gauge rolled plate steel vault. Hein? Hey. Donc, ça a l'air fancy. Ça s'installe en 10 minutes et ça a un système de barrure à 3 points résistant aux voleurs. Donc, même s'ils essayent différents outils, ils ne devraient pas pouvoir l'ouvrir. 278$. Évidemment, il faut dire que si quelqu'un vole ton char au complet, t'es pas bien mieux. Ouais, mieux, non, c'est ça. Ça hein? pas... C'est un peu comme tenter le diable par la queue. En c'est ça, ben... que ça... Ah ouais, c'est ça le dicton? Non, je sais pas. Je sais pas. Quelque chose je genre? Connais prendre le taureau par la licorne. Bon, ben prendre le diable par la licorne, c'est ça. Oui! Oui! Ben oui! Maintenant, un kit pour faire pousser tes propres cristaux. Ok. Hein? Oui, pas ton crisco. Tes cristaux. Mm-hmm. Donc, rendez votre vie un petit peu plus amusante en retournant presque au primaire, en apprenant des choses scientifiques comme ça, mais en faisant quelque chose de beau qui a l'air très adulte, je trouve, des cristaux, c'est adulte. Simple et facile d'utilisation, un kit qui vient avec tout ce qui est nécessaire pour faire pousser des douzaines de cristaux colorés, très, très lumineux, très, très... je dirais presque fluorescent, ouais. Si on veut. On peut les mouler en différentes formes, comme des étoiles et des dauphins. Tout ça pour $35.95. Crystal Growing Kit. Il est en spécial à moins de $30 américains sur Amazon.com en ce moment. Plus d'un million de kits vendus partout dans le monde. Et un manuel d'instruction de 32 pages. C'est un petit jeu pour le fun. Pourquoi pas? Wow! Mais je vais t'avouer que je les couleurs qui sont présentées sont comme des roses, des bleus, des oranges, des mauves. Ouais. Je trippe pas tant sur les couleurs qu'ils ont choisies. C'est un peu enfantin. Ouais, c'est ça. Tu sais, côté cristaux, j'y serais vraiment allée avec des couleurs que l'on voit dans les cristaux habituels. J'avoue. Ouais. Juste même un petit cristal transparent. Ouais, tout à fait. Ensuite, le flic. Qu'est-ce que c'est le flic? C'est des boutons intelligents partout. Hein, nos vies sont de plus en plus dépendantes de nos appareils électroniques et on essaie en même temps d'essayer de se simplifier la vie. On essaie d'essayer de se simplifier la vie, ça marche pas. Donc, une application pour à peu près tout de nos jours et voici qu'arrive le Flick Smart Button qui va vous donner l'option de laisser le téléphone dans votre poche mais de faire que des choses arrivent quand même autour de vous. Mmh. Ça fonctionne par Bluetooth avec une application sur le téléphone et ça vous permet de programmer des raccourcis pour faire des tâches simples. Vous pouvez même vous servir de IF, le service If This Then That. Qui peut, par exemple, bon, aussitôt que quelque chose est publié sur Internet, ça vous envoie un message texte, ou ça, okay. Quelque chose, c'est comme des recettes que tu files. Tu pourrais dire, bon, aussitôt quelqu'un poste une photo sur Instagram. Je veux le savoir, bon. OK. Bref, des options sur IFT. Et votre téléphone n'a pas besoin d'être présent pour que le flic lui-même fonctionne, c'est seulement pour les programmer. Oh, ouais. Donc, tu peux prendre les 5 couleurs différentes, les avoir aussi avec des clips pour pouvoir les attacher à tes vêtements ou quelque chose comme ça. Et chacun peut être programmé pour faire 3 choses différentes en cliquant, double-cliquant et en tenant le bouton. Donc vous allez pouvoir faire à peu près n'importe quoi avec un flic pour $34 ou 4 flics pour $100. T'économies, c'est quand même pas mal d'argent. Ouais, 35 ouais. Plus 35, 70. Fait que t'en as comme 4 pour le prix de moins de 3. C'est vrai. Comme fort. Donc on peut visiter le site de Flic sur flic.io, flic.io ou encore sur Amazon. Je trouve l'idée vraiment bonne et les petits boutons ressemblent à des jujubes. Trop. Des petits bonbons, des petits chocolats ronds, ok? Donc, ils ont le dessous plat, ouais. Et le dessus bombé un peu, mais pas sphérique, là, juste un bonbon. On dirait les nouvelles, ben pas les nouvelles, mais les pastilles Cadbury. Oui, en effet, les pastilles, les petits boutons, là, ouais. Cadbury, ça ressemble en effet à ça. Puis moi, ben, Colin, je trouve ça cute avec le petit logo de flic en lettres attachées dessus. J'en veux ouais. Un de chaque. Bon, ah, c'est pas super. C'est dit. Le prochain, j'en veux un aussi. Une, en fait, c'est vraiment cool. C'est un jouet. C'est la Forever Spin. C'est une toupie. Tout ce qui est plus simple. Donc, c'est fait d'acier inoxydable. En fait, non, de métal. Un bloc solide de métal. Forever Spin Tops. Donc, c'est méticuleusement balancé pour tourner de façon parfaite. Et c'est fait aussi pour aller avec tous les goûts. Donc, aluminium, titane, cuivre, bronze, doré, tungstène. Donc, c'est la plus lourde. Il y en a plusieurs autres avec différents poids et donc différentes propriétés de tournure, si on veut. Et avec un petit peu de pratique, tu vas même réussir à faire tourner ta toupie à l'envers. Est-ce que tu joues à l'envers? À l'envers. Comment est-ce que tu peux réussir à faire tourner une toupie à l'envers? I don't know, but I wanna do it! Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu jouais lorsque tu étais petit? Oui, je l'avoue. Toupie? Ouais, hein? Tout le monde a eu ça, une toupie, je pense. Au primaire ou à la garderie, je pense. Puis des heures et des heures de plaisir avec une toupie. C'est vraiment le fun. Puis pour vrai, 32$ pour quelque chose en gros métal, un bloc de métal, c'est quand même cool. Et c'est fait donc pour tourner tout le temps de la même façon. J'adore l'idée. C'est bien. Ensuite, peut-être un petit dernier, tiens, chez IKEA. C'est l'IKEA Hotplate qui vous force d'abandonner votre téléphone cellulaire pour l'heure du souper. À une conversation au souper, on se rappelle du temps où on parlait au souper à la place de son sel. Donc c'est IKEA au Japon qui nous a mis une petite vidéo de leur Hotplate. Donc Hotplate un peu comme comment on appelle ça, une raclette. Mm-hmm. Genre une raclette qui va être assez chaude seulement si assez de téléphones cellulaires sont placés en dessous. On sait pas comment ça fonctionne, c'est pas expliqué, peut-être une balance, mais plus il y a de téléphones en dessous de la plaque chauffante, plus le repas va chauffer. Oh. Exactement. Donc très peu d'informations, ça existe apparemment chez IKEA au Japon. C'est l'IKEA Phoneless Table. Intriguant. La publicité est très très bonne en plus. Est-ce que tu peux nous la raconter un peu? C'est pas une étude, mais ils ont comme fait une expérience au Japon. Puis ils invitent les gens à venir manger autour de la table, sauf que là, les gens, ils sont sur leur téléphone, puis ils sont comme, est-ce que la plaque, elle chauffe? Ouais. Puis là, le monsieur, il est comme, oui, mais vous devez savoir comment elle va fonctionner. Ah, est-ce qu'il faut qu'ils trouvent eux-mêmes la solution? Oui. Ouh, parce que j'aurais jamais pensé à mettre mon téléphone cellulaire en dessous d'une plaque chauffante. Moi non plus. Bref. Je vais t'avouer que... Pas sûr. AssemblageRequis.com pour les liens. On a une autre partie de cette chronique, ça devrait répondre là plus tard. Pour l'instant, on prend une pause et au retour, c'est Tania is gonna entertain. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes assez fait. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis, on est jeudi 11 février 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Et justement, ben Krim, je viens de dire ton nom et ça tombe bien parce que c'est directement par là-bas qu'on s'en va. Ah! C'est Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya! Salut Tania! Hey! Comment ça va? Ça va bien. Ouais. C'est correct, je trouve. Toi? Ça va super bien. Super bien! Super! Incroyable! Outre le fait que je suis désespérément fatiguée. Oui. On va régler le problème après l'émission. Oh que oui, ça va s'enfiler des espresso, les amis, vous aurez jamais vu ça. Non. Hey, Matt, avant de commencer ma chronique, ce matin, je m'en venais en voiture et j'écoutais à ça. Oui, ton volant. Ouais, mon volant, caméra 3. J'écoutais l'émission Assemblage prérequis. C'est juste avant nous de 6h30 à 7h30, oui. Puis dedans, on parlait des fêtes qui sont en février. Oui. Et comme on est le 11 février, je veux juste te souhaiter une bonne journée du célibat. Merci, parce oui. Parce que c'est la journée internationale d'être heureux d'être célibataire. Oh, tellement heureux, là. Hashtag voilà. Forever alone. Hein? Ben, je voulais pas dire ça, là, mais il faut... comment pourrais-je dire ça? Il faut être heureux d'être comblé par soi-même. Heureux voilà. D'être malheureux. Voilà. Bon. OK, heureux par soi-même, c'est bon. T'es malheureux d'être seul? Non, ça va, c'était pour ambitionner. Je t'ai amené du café, là. Merci, non. De l'autre côté. Oui, de l'autre côté du mur. Ouais. Oui. Ouais, merci. Exact. Bon, il nous attend de l'autre côté. C'est vraiment fine. Il crie. Tania! Mathieu! Voilà. Hey, je suis vraiment fatiguée. Ça m'aurait dit. Ça, c'est la journée internationale d'être célibataire. Mais ici, à l'UQTR, aujourd'hui, je pense que c'était comme un incontournable aussi de le mentionner. C'est la journée mémoire à Roxane Boisvert, une étudiante en ergothérapie qui a malheureusement été assassinée il y a quelques années. Donc aujourd'hui, il va y avoir un événement à la Chasse-Galerie et il suffisait aussi de porter du jaune-orange. Je vois que tu as du jaune-orange sur toi, donc... Félicitations. J'ai pas trouvé de jaune orange dans mes vêtements ce matin. Je fouillais partout. J'étais un peu triste. Par contre, je pense qu'on va faire un petit tour à l'événement aujourd'hui. C'est important de le mentionner. Donc, on peut pas aller se voler un cône quelque part. C'est sûr. On va faire ça. Ouais. On va l'amener avec nous sur mon épaule, vu que c'est moi qui n'ai pas de jaune orange. Je trouvais que c'était quand même assez important de le mentionner. Alors voilà, c'est fait. On peut passer à ma chronique. Bien dit. T'as bien fait. Ouais. D'accord. Donc, tu parles de quoi aujourd'hui? Ben, de la Saint-Valentin. Ah, ben là, tu es mais juste bon, attends. Je vais pas vous donner des idées de quoi faire okay. à la Saint-Valentin. Good. Je vais pas vous donner des idées de quoi acheter à madame ou monsieur à la Saint-Valentin. Je vais vous dire un petit peu d'où ça vient, cette fameuse mode. Fête-là. Ouais. Et mode, oui, tout à fait. D'où vient ce fameux Valentin? Comment ça se fêtait dans le temps, ça, la Saint-Valentin? Puis, des avantages à être célibataire à Saint-Valentin? Ah! Oui. Pourquoi pas? J'ai hâte. Hein? Bon, alors on va commencer immédiatement. L'histoire de la Saint-Valentin, en fait, il faut savoir que la date à laquelle on fête tout ça, c'est un héritage de la Rome antique. Ah, tu tombes-tu bien pareil? Ben oui. La Rome antique, on va se le dire, c'est cool. C'est pas pour rien, hein? Tout en maudit. C'était organisé dans le temps tous les 15 février de chaque année. C'est un chiffre rond, j'aime ça. Oui. On va savoir un petit peu plus tard pourquoi c'est tombé le 14, mais vous allez voir. Les Lupercales. Qu'est-ce que sont les Lupercales? Ouais. En fait, c'est des fêtes annuelles dans la Rome antique, dans ce temps-là. C'est comme ça qu'on fêtait les premières Saint-Valentin. Donc, ça célèbre à ce moment-là Faunus Lupercus, qui lui était le dieu de la fécondité des bergers, des troupeaux. Et c'est lui, en fait, c'est le dieu qui s'occupait de protéger tous les habitants de la Rome antique. Et c'est pourquoi on le fêtait entre le 13 et le 15 février. Lupus tuberculus? Avoue que ça sonne maladie transmise ouais. sexuellement en plus, mais rassurez-vous, ce n'est point le cas. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passait pendant ces deux, trois journées-là, parce que je l'ai dit, ça se fêtait entre le 13 et le 15 février, c'est comme une espèce de rite de purification. C'était organisé à la fin de l'année romaine, parce que l'année romaine commence le 1er mars, et c'est une fête païenne qui se déroule en trois étapes. Tout d'abord, il faut savoir que les prêtres sacrifiaient un bouc qui est une espèce de loup. C'est une sorte de loup, si je me souviens bien. Ouais. Un bouc, ouais. C'est ben en tout cas sur la photo, ça ressemble étrangement à un loup, sinon là. Je vais faire quelques recherches en même temps qu'on se parle. C'est comme une espèce de chèvre. Ouais, une espèce de chèvre, exactement. L'animal à cornes, le mâle de la ça. Chèvre. Ça ressemble beaucoup à un bélier aussi. Et leurs je petits trouve. Sont des cabris. Ah, voilà. D'où merci. Les chars et cabriolets. Ah, ben oui. Si on avait su avant. Et les pantalons cabris. Ah, c'est aussi. Ça. Et le petit jus cabrisson aussi. Ben oui. Ouais. Donc, les prêtres, en fait, sacrifiaient un bouc dans la grotte de Lupercal, où était en temps normal, où logeait en temps normal le dieu qui prenait soin de tout le monde et qui protégeait tous ces gens-là. Et selon la légende, la louve, elle était, c'est là que la louve allaitait les fondateurs de Rome, Romulus et Rémus. Par la suite, après avoir sacrifié ce bouc-là, ils s'enduisaient, les prêtres, ainsi que les gens, okay. les jeunes gens de famille noble, ils s'enduisaient de sang. Tout à fait approprié. De ce bouc-là. Ouais. C'est un petit peu dégoûtant hein, quand on y pense. Mais ça symbolisait en fait la purification des bergers à ce moment-là. Puis c'est pourquoi ils le faisaient, parce que c'était pour purifier les bergers puis aussi les protéger dans le futur. Donc de ce côté-là, on comprend un petit peu la connotation spirituelle, mettons, de la chose, mais de s'enduire de sang de bouc, moi je trouve ça un petit peu dégueulasse. Mon Dieu. Par la suite, venait la course des Luperques. Qu'est-ce que la course des Luperques? Eh bien, c'est une course pendant laquelle les prêtres et les jeunes, les mêmes qui étaient en 800 tout à l'heure, là, c'est la même chose, prenaient la peau de ces bêtes-là qui étaient sacrifiées, se les mettaient sur la tête et couraient dans les rues de la ville et, attention, fouettaient les passants avec des lanières découpées dans la peau du même animal. À quoi est-ce que ça servait? Eh bien, précisément, on essayait de... Vous allez voir, là, c'est vrai, quand même assez... trash. Ouais, c'est très trash. On essayait le plus souvent possible de fouetter les femmes en particulier parce que lorsque les femmes se plaçaient sur le trajet dans l'espoir d'avoir une grossesse heureuse puis un accouchement sans douleur, c'est pour ça qu'on faisait ça. C'était un petit peu dans l'optique de protéger les gens du village ouais. puis tout ça. Eux, ils pensaient que d'aller fouetter les gens, ça allait les protéger. Mais pour les femmes en particulier, c'était surtout pour qu'ils puissent avoir une grossesse puis un accouchement sans douleur. C'est censé. Mais pour ça, je vais t'affliger de la douleur en te fouettant. En plus, puis tout ça, parce que tout à l'heure, je le disais, ça prenait 3 célébrations durant ces 3 jours-là. Par la suite, les célébrations se terminaient par une espèce de grand banquet. Avec Anouk puis Gino Chouinard là, comme célébration. Ben oui, c'est ça, comme célébration. Oui. Pareil. Même affaire, ouais. Même gros style de banquet. Puis pendant ce temps-là, les jeunes hommes, bien souvent, tiraient au sort leur compagne de la soirée. Ah! Donc, c'est comme un tirage au hasard. Ben, ouais. Puis j'ai un nom sur les gens. Ça se faisait surtout entre les gens nobles de ce côté-là pour le grand banquet. Donc, les jeunes hommes tiraient le nom d'une compagne. Et bien souvent, c'était une pratique qui entraînait parfois la formation de couples durables. Ah. Et ça menait souvent au mariage par la suite. Donc, c'est un petit peu l'origine de la fête de la Saint-Valentin de ce côté-là. Mais c'est pas juste ça, là. C'est qui était Valentin aussi, ouais. Parce qu'on dit Saint-Valentin, mais c'est qui ce Saint-Valentin-là? C'est-tu Valérie Antin quelque chose? On sait pas. Peut-être, on ne sait pas. On doit avouer qu'en fait, les points de vue des historiens divergent beaucoup quant à l'identité de qui est Valentin, parce qu'il y a plusieurs saints qui portaient ce nom-là, entre autres trois saints qui étaient fêtés le 14 février aussi. Mm-hmm. Donc, ils ont eu de la difficulté à trouver qui c'était ce cher Saint-Valentin-là. Par contre, le premier Valentin qui est cité dans la martyrologe à la date du 14 février, c'est un prêtre romain du 3e siècle. Et en théorie, il se base sur l'idée que ça serait lui, puisque c'est le premier qui est arrivé. Oui. Il vit sous le règne de Claude II, le gothique, empereur païen, pendant son court règne et engagé dans de sanglantes campagnes militaires. Et en 268, sous prétexte de ménager les forces des hommes en âge de combattre, il leur interdit le mariage. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contradictions, parce que certains disent, là, lui, il est allé... éviter des gens de se marier, ça peut pas nécessairement être lui. Par contre, c'est le premier qui était là, est-ce que ça serait pas lui? Mais les jeunes gens continuent quand même à recevoir en secret la bénédiction du mariage grâce au prêtre Valentin. C'est peut-être lui, là. Aha! Oui. Peut-être. On le sait pas. Ça a plus de sens, c'est pas mal plus romantique. Ben oui. Hey, ça serait bien plus fun. Ça fait Roméo et Juliette, oui. Je trouve. Puis, finalement, ce dernier, mais il est bientôt démasqué et il a été emprisonné. Alors, lorsqu'il était en captivité, Valentin a fait la connaissance d'Augustine, la fille de son geôlier, et la légende raconte qu'il redonne la vue à la jeune femme aveugle. Donc, de ce côté-là, on pense que lui serait peut-être Valentin et Augustine serait peut-être l'origine de la Valentine. Ah, peut-être. Faudrait regarder s'il portait des couches. Ah ouais, tu penses que ça répondrait à nos questions? Des couches. Ah, ben oui. Ouais. Ben oui, mais il a été interprété comme ça, je pense. Ah, OK, c'était pas la réalité. Ouais, c'est okay. Ça, je pense pas vraiment que c'était un ange qui tirait sur le monde en couche. Ah, j'ai fait mes rêves. Je suis désolée. Mais d'où vient la fête des amoureux? Pourquoi est-ce qu'on a associé tout ça, toute la romantique aux amoureux? Eh bien, l'association de la Saint-Valentin à la fête des amoureux, c'est arrivé beaucoup plus tardivement. Ça remonte au Moyen-Âge. Et à cette époque-là, la tradition veut que les jeunes gens s'adonnaient à une forme de loterie de l'amour. Donc, une pratique héritée des tirages au sort... avec les Lupercales. Comme je le disais tout à l'heure, chaque jeune homme riche tirait le nom de sa compagne pour un grand banquet. Eh bien, ça viendrait vraiment de ce banquet-là, le côté amoureux de la fête. Au Moyen-Âge, tous les 14 février, les jeunes gens tiraient au sort le nom de leur compagne et l'accrochaient à leur manche pendant la durée des fêtes. Ouais. Et ça durait une semaine en temps normal. Par la suite, le Valentin est devenu le cavalier qu'une jeune fille choisissait pour l'accompagner le premier dimanche de carême lors de la fête des Brandons. Qu'est-ce que la fête des Brandons? Ouais. Je sais pas. Non. Je dois t'avouer. Okay. J'ai pas fait la recherche sur celle-là. On commence à se perdre dans Wikipédia si on fait ça. C'est ça, on va remonter à plusieurs fêtes. Là, ouais. On est en romantique en 3e siècle. Là, il en reste pas mal à rattraper sur l'enregistrement numérique. Ouais. De ce côté-là. Mais en fait, la fête consistait en une procession pendant laquelle la foule parcourait la campagne, chassée grâce à des Brandons. C'est une sorte de torche. Faite de brins de paille en tortillé. Ils chassaient les mulots, les taupes, les mauvaises herbes des champs et garantissaient aussi de bonnes récoltes pour l'année suivante. Donc, de ce côté-là, on cherchait un compagnon pour aller faire les récoltes puis tout ça. C'est comme se choisir une espèce de compagnon de vie, veut pas. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je sais pas, lors d'un grand banquet, c'est correct, tu dis « Ah, je je suis seule, je vais m'accompagner d'une jolie demoiselle riche. Mais là, tu t'en vas chasser le mulot. Ouais, peut-être cueillir des blédaines, tu sais, une escorte du maïs ou une escorne. C'est ça, ouais. Hein, c'est un peu platounet, mettons. Ouais. Mais c'est comme ça que la fête des amoureux a vraiment éclos, en fait, parce que c'est vraiment avec l'idée du banquet durant la Rome antique que c'est venu cette association-là de dire le 14 février, on va joindre des gens amoureux, entre parenthèses et guillemets, les deux, okay. Camarades 3, ensemble pour qu'ils puissent passer la soirée et peut-être plus tard former des couples. Oui, le déjeuner. Oui, le déjeuner, bien évidemment. Comment ça se passe la Saint-Valentin dans le monde? Ouais. Est-ce que tu sais? Bien, en Chine, la Saint-Valentin commerciale s'est fêtée comme dans le reste du monde le 14 février. C'est arrivé en Chine simplement dans les années 1980. Oui. C'est pas vieux, là. Les films américains et tout ça qui leur montraient ça, j'imagine. Probablement. Mais il existe également une fête traditionnelle commémorée le 7e jour du 7e mois lunaire du calendrier chinois. Et selon la légende, une fée aurait un jour épousé un mortel, malgré le désaccord de sa mère, et cette dernière l'aurait obligée à regagner le ciel et aurait séparé les amoureux pour une rivière infinie, la Voie Lactée. Ah ben! Ça, c'est en Chine. Ça serait leur forme de Saint-Valentin. Au Japon, le jour de la Saint-Valentin, les Japonaises offrent des chocolats aux hommes qu'elles aiment. Ah, c'est cute, j'aime ça. Ouais. Je veux ça, ouais. Cette pratique-là s'est étendue un petit peu au monde professionnel aussi. Aujourd'hui, elles doivent également en offrir à tous leurs collègues masculins. Ça coûte cher, ça. Ouais, c'est un petit peu... bon. Mais le Japon célèbre également la fête, la même fête que la Chine en juillet et en août. Ouais. Donc, celle, comment je disais tout à l'heure, là, la fête traditionnelle, le 7e jour du 7e mois lunaire. Ils font la même chose du côté du Japon, selon le calendrier lunaire. Et la fête des étoiles au Tanabata célèbre la rencontre de Orihime, Vega et, attention, je suis prête pour mon japonais, Hikobori Altair. Oh. Et j'espère que j'ai dit ça de façon correcte. C'est beau. En fait, on suspend alors des bambous décorés de grosses lanternes et des flammes de papier au-dessus des rues. Et ça fait une espèce de fête de l'amour. Et au Brésil. Brésil. C'est le 12 juin. OK. Tu savais ça? Non. Non, hein? C'est ben, c'est... En fait, c'est... on fête le jour des amoureux. Mm-hmm. C'est un petit peu différent, mais c'est célébré comme une grosse fête. Les gens sont dans les rues, ils dansent, puis tout ça, et c'est le 12 juin. C'est pas le 14 février. Eh ben. Mais tout à l'heure, je vous disais que j'allais pas vous casser les oreilles avec des idées de quoi faire lorsqu'on est en couple pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous voulez lui acheter. De toute façon, je viens de parler de chocolat. Ouais. Je sais pas, mais moi, je suis pas du genre à vouloir recevoir du chocolat à Saint-Valentin, mais non. Bon. En manger, t'en achètes toi-même. Mais non, même pas. Je suis pas une super grosse fanatique de chocolat. Ah oui, c'est rare. Ouais, achète-moi du café en profusion industrielle. Du chocolat au café. Là, tu vas gagner mon cœur. Du café au chocolat. Ah! Peut-être, bon. Peut-être. Ouais. Mais en fait, je vais vous parler des avantages à être célibataire à la Saint-Valentin. Et on va voir lesquels s'appliquent à nous. OK, hein? Allons-y. Okay. Donc, le point numéro un, et là, je tiens à dire que c'est selon le Journal de Montréal, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez drôle et je devais vous le présenter. Ça peut arriver. C'est l'exception à la fin. C'est ça. T'as pas à préparer une soirée, soit une réservation au restaurant, une sortie, le cinéma. T'as pas à planifier tout ça. Ça coûte 0$. C'est ça. Tu peux aller au restaurant quand même, mais personne ne va te juger si tu choisis le fast-food. Hein? Pas pire? Ouais. Tu peux faire une sortie aussi quand même, ben si ça te tente, mais personne ne va te juger si tu vas voir, mettons, Zoolander 2 au cinéma. Okay. Et surtout pas les gens dans la même salle que toi qui vont te juger. T'as pas de cadeau à acheter? Ouais. Sauf à toi, si tu t'aimes tant que ça. Ouais. Mais tu sais, à la Saint-Valentin... Est-ce qu'on veut pas tous un petit peu se gâter? Tu vas t'acheter un petit collier, des boucles d'oreilles? Non, je sais pas, pense pas. Non. C'est un dimanche en plus cette année. Hein? Moi, je pense plus que je vais dormir, c'est ça, mon frère. Les magasins ouvrent tard au moins dimanche. Ah oui, c'est vrai. Tu peux sortir puis cruiser celui ou celle qui t'enchante. Ben oui. T'as pas de. La plupart sont en couple parce qu'ils se sont dit qu'il fallait qu'ils soient en couple avant le 14 février. C'est ça, exactement. Mais bon, hein? Un autre point, un autre avantage à être célibataire lors de la Saint-Valentin, c'est que les bars savent plus vraiment quoi inventer pour attirer les célibataires c'est comme ça. Toi. Donc, promotion de toutes sortes, 2-1 pour les célibataires, tournée de shooter, tirage, champagne à volonté. Tirage de couple, comme dans ton banquette tantôt, peut-être. Ben oui, peut-être. Oh, ben ou, il y a certains bars où que si t'arrives à la Saint-Valentin et t'es célibataire, ils te mettent une couleur de bracelet. Okay. Et si t'es en couple, ils te mettent une autre couleur de bracelet. Ah, c'est donc, une bonne tu peux idée. Pas cruiser les gens qui sont en couple, mais ceux qui ont la même couleur de bracelet que toi... Il faudrait que je fasse faire un tatou permanent pour oui. I'm single! Tu peux justement choisir le party où tu veux aller. T'as pas besoin de suivre quelqu'un ou automatiquement être obligé d'aller à un party parce que vous êtes deux. Tu peux planifier ta journée, ta soirée comme toi, ça t'enchante, pas comme l'autre veut. Tu peux changer de plan à la dernière minute et ça ne blessera pas personne. Anyway, t'as rien d'autre à faire non. que de changer ton plan à la dernière minute cette journée-là, alors pourquoi pas le changer à la dernière minute? Tu peux rentrer à l'heure que tu veux ou pas rentrer du tout. T'as le choix, c'est un avantage. Ouais, ouais, c'est ça. Tu peux passer la soirée à regarder la télé chez toi sans que ça dérange personne. Évidemment, ça c'est le point numéro 12. Le point numéro 13, c'est que tu peux manger de la crème glacée directement dans le pot. Oui. Même si tu le fais tous les jours, là, c'est une journée spéciale. C'est la Saint-Valentin. On te redonne le doigt de le faire. Le doigt de le faire. Le doigt de le faire. Tu peux te taper un marathon de télésérie sur Netflix, même si tu le fais tous les jours. Okay. Mais là, c'est une bonne raison de le faire. Il redonde un peu leur truc, mais OK. Et attention, tu peux faire les activités proposées au numéro 13, 12 et 14. En même temps. Donc, tu peux passer la soirée à regarder la télé chez toi. Tu peux manger de la crème glacée directement dans le pot et tu peux te taper un marathon de télésérie sur Netflix, tout ça en bobette. Ah, voilà! Voilà. Bon, c'est... Je pense qu'il n'y a pas de meilleur avantage à être célibataire à la Saint-Valentin. C'est pas mal le meilleur. À vous. Ouais. Qui veut pas passer la Saint-Valentin en bobette sur son divan à regarder Netflix? Caméra 3, je roule les yeux. En mangeant du chocolat, évidemment. Crème glacée au chocolat, chips, j'imagine. C'est ben oui. Pour rester quand même concept, là. Ouais. Tu peux écrire aussi sur Facebook que t'es forever alone, mais moi, je le conseille pas. Non, écrivez pas ça sur Facebook, non. Ça fait... Non, non, ça, c'est désespéré. Ouais, c'est exact. Pitié, c'est laid. Non, je sais pas. C'est pas une bonne idée, là. Non. Puis comme c'est quelque chose que tu vis seul. Oui, ça. C'est vrai. Ouais. Mais moi, je serais du genre à aller avec mes amis, en fait, qui, eux aussi, sont célibataires, ouais. Faire une sortie de fille, exemple, célibataire. Comme je le disais tout à l'heure, les bars savent pas quoi faire pour attirer les célibataires à la Saint-Valentin. Donc, de ce côté-là, aller vraiment chercher tous les petits côtés, le fun d'être célibataire à la Saint-Valentin, malgré le fait que je fais le 28 jours. Donc, de boire de l'eau, malgré que c'est 2-1. 28 jours sans alcool, encore. C'est ça. Ouais. Mais ouais, allez, entourez-vous. Moi, je pense pas que ce soit une super bonne idée de rester tout seul à se morfondre sur son sort à la Saint-Valentin. Tu t'en sacres complètement. Ouais, tu peux très bien t'en sacrer complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu t'en sacres tout à fait complètement? Oui. Je pense que la Saint-Valentin, ça n'a pas de signification pour moi du tout. Moi, je dois avouer que j'ai fêté à quelques reprises la Saint-Valentin avec quelqu'un. Et mon plus beau souvenir, c'est lorsque j'étais encore au primaire. On était une gang d'amis et on était une gang de couples, en fait, hein? Là-dedans. Des couples du primaire, là, on s'entend. Puis, on avait fait un immense fort dans la neige. Puis, on avait passé la journée dans le fort. C'était super le fun. C'est niaiseux, mon meilleur beau souvenir de Saint-Valentin. J'étais un petit peu petite. Hey, j'avais reçu un cadeau, là. C'était super cute. C'était quoi ton cadeau? C'était deux signes qui se donnaient un mec. Ah, c'est cheesy à mort. Ouais. C'est parfait, ça. Et je ne saluerai pas la personne qui me l'avait offert. OK, c'était ton prof au primaire. Mais non, c'était mon compagnon du primaire. OK. C'est chic que t'es amusé. C'est n'importe quoi, ça, ma c'est des pense. Blagues, voyons n'importe donc. N'importe quoi. J'ai jamais fêté la Saint-Valentin avec aucun de mes profs, là, vous inquiétez okay, pas. Sachez-le. Sachez-le, moi, s'il vous plaît. Donc, la liste est encore accrochée pour le faire avec un prof. Ouais, c'est ça. La place est libre, messieurs. Mais toi, qu'est-ce que tu serais du genre à faire à la Saint-Valentin? Netflix, hein? Netflix en masse. Ouais, non, ouais. J'ai du rattrapage à faire sur de différentes séries. Fait que ça va être ça. Je pense aussi que c'est un petit peu... c'est un peu plate que ça tombe un dimanche, ouais, en fait, cette année. On va faire ça le samedi, je pense. Ouais, hein? Ouais, dimanche, ça va être un dimanche normal plate. C'est ça. Ouais. Bon. Et la Saint-Valentin. C'était ma chronique. Oui. Et lorsqu'on est célibataire, bien souvent, on est célibataire en gang de filles. Ouais. Parce que c'est rare. Je sais pas, c'est rare qu'on voit une gang de gars célibataires vraiment sortir puis avoir du fun puis c'est dire vrai. Qu'ils sont célibataires. Puis... Ça se sépare dès l'arrivée. C'est ça, exact. C'est comme une meute de loup. va cruiser là. Tandis que des filles, ça veut vraiment rester ensemble puis ça veut avoir du fun. Alors. qui de mieux pour nous l'exprimer que Cyndi Lauper? Assemblage requis. Hmm. Just wanna have fun! Merci Tania pour ta chronique. Hey, ça fait plaisir! Tania is gonna entertain you. Retour de pause, une grosse pointe en dresse. À sondage requis! Vous êtes assis, 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous écoutez Assemblage Requis en ce jeudi 11 février 2016 avec Mathieu Plante et Tania Baudin. Dans quelques moments, ce sera une grosse pointe en dresse, la chronique où on goûte à de la malbouffe. Mais avant ça, tantôt, Tania, dans sa chronique, a parlé d'un berger. Donc, ça m'a donné vraiment envie d'écouter la pièce My Shepherd. Voici The New Pornographers à Assemblage Requis. Tout de suite, bientôt. Là, là. C'était supposé être une vidéo qui part. C'était supposé être ça. C'était supposé être une vidéo. Come on! Vidéo! Oh non! Ça va pas jouer! Oh non! Que c'est malheureux. On va écouter pour l'instant, donc viens me voir cette nuit d'Eddie Camp. Puis j'écouterai ça plus tard. Cette nuit, si tu m'entends penser, viens me voir cette nuit. Tu n'as pas besoin d'invitation tant que tu captes le truc. Viens me voir cette nuit, hier s'en est allé encore. Et là, moi, je me disais que ça pouvait le faire. Fait très tard, et je ne me sens pas trop cassé. Viens me voir cette nuit, viens partager mes rêves. Le quotidien me tue. Viens me voir cette nuit, je sais que tu y as pensé avant. Et là j'attends que tu frappes à ma porte. Eddie Crampé, viens me voir cette nuit à Assemblage Requis. En passant tantôt la pièce My Shepherd, là, j'ai fini par la trouver, je vais pouvoir la faire jouer tantôt. Okay. Bref, maintenant, à Assemblage Requis, c'est le moment de manger quelque chose ou boire quelque chose. On ne sait pas, je l'ai pas averti d'avance, Tania. Elle ne sait pas ce qui s'en vient. Non, j'ai aucune idée de ce qui s'en vient. C'est tout, ça attention. Ça me stresse! Ça va faire du bruit. Ouh. Voici une grosse pointe en dresse. J'aurais dû dire que j'allais t'en remettre plein la face. Ah! Mais on va garder pour la première fois. On dit pas ça! Je sais, on va garder le produit pour la fin aujourd'hui. On va faire des nouvelles de fast-food avant à la place de le faire après. Comment ça se fait? Ça te va-tu? C'est parce qu'on a envoyé notre reporter sur le terrain, Louis-Philippe Quentin, qui va nous joindre tantôt. On l'a envoyé chercher un produit qui va aller mieux avec ce qu'on goûte aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que Louis-Philippe va participer à la chronique? Ça veut dire que Louis-Philippe va participer tout à l'heure, à la fin de la chronique, en tout cas dans les prochaines minutes. Commençons en parlant de McDonald's et ces panneaux qui servent des McFlurry lorsqu'il fait super chaud. Oh, c'est gentil. Absolument. Donc, c'est chez les Hollandais, McDonald's aux Pays-Bas. C'est à demander les bons services d'une compagnie de publicité extérieure, JC Deco, pour créer un panneau publicitaire avec, dans le fond, des panneaux à l'intérieur qui ressentent la chaleur. Et ça contenait 100 verres de McFlurry gratuits. Et aussitôt qu'il faisait trop chaud à l'extérieur, le panneau ouvrait. Et les gens pouvaient prendre un verre pour aller chercher un McFlurry gratuit dans un restaurant McDonald's, bien sûr. OK, le verre était vide, il se rendait au McDo puis il disait « ha ha ha ». C'est exact. Donc, okay. On avait le choix entre M&M, Stroudwafel, évidemment, ou Kit Kat. Hein? Il y a sûrement une spécialité hollandaise. Stroudwafel, c'est ça que tu parles? On dirait, ouais, à moins que Krit Krat soit produit. Ah, peut-être. Donc, malheureusement, la température devait être à 101,48 degrés Fahrenheit ou plus pour ouvrir tout ça. Évidemment, 101 degrés Fahrenheit égale, tout le monde sait ça, 38,6 degrés Celsius. Mais moi, je sais ça par cœur, comme toujours. C'est quand même très, très élevé. Il fallait vraiment qu'il fasse chaud. Super chaud. Puis là, les gens attendent tous qu'ils se mettent à faire super chaud. Voilà. Apparemment que les étés hollandais sont plus brutales qu'on le pensait. Voilà. Ensuite, allons-y avec les Brésiliens qui apprennent l'anglais en prenant de vraies commandes à LA, des commandes de pizza. Okay. Dans une campagne célèbre, en fait la suite d'une campagne célèbre, c'est FCB Brésil qui avait eu un succès il y a quelques temps avec Speaking Exchange, une idée pour CNA Language Schools, une campagne qui connectait les jeunes Brésiliens qui voulaient apprendre l'anglais avec des personnes américaines d'âge mûr dans des maisons de retraite qui cherchaient quelqu'un à qui parler. On avait déjà parlé de ça ici à Sondage Requis. Donc, ça a ramené 10 lions de Cannes. Ah oh, ouais? Oui, cette campagne publicitaire-là. Donc maintenant, l'agence et les clients sont de retour avec une suite, une autre façon intéressante donc de pratiquer l'anglais. Cette fois-ci, avec Bella Vista Pizzeria à Culver City, en Californie, les clients qui appelaient la pizzeria pouvaient choisir de placer leur commande comme d'habitude ou d'être connectés à un étudiant de Sao Paulo, donc lorsqu'ils prenaient leur commande. Et s'ils choisissaient le deuxième choix, donc ils étaient compensés avec des rabais, dépendant de la longueur de leur conversation avec l'étudiant. C'est joli, hein? C'est tout mignon. Les commandes de pizza, c'est évidemment un petit peu plus transactionnel que la conversation qu'on avait dans la précédente campagne où c'était plus, bon, tu sais, je te parle de ma vie. Ouais. On établit un petit lien, une petite complicité. Là. C'est vraiment, tu sais, bon, tu prends quoi? Quelle adresse? Numéro de téléphone? Ok, bye. Donc, c'est pas vraiment aussi fascinant que la première campagne. Mais bon, ça reste une suite et ça reste que ça vaut la peine d'être vu. Mais c'est vraiment une super bonne idée. Oui, tout à fait. Ensuite, une campagne publicitaire dans un métro. Ah, qui fait bailler tout le monde et qui fait que les gens veulent du café. Oui, je sais. Donc, c'est une campagne publicitaire interactive par Lulera TBWA qui fait vraiment bailler. Tu vois Tania en temps réel bailler okay, devant nous. Je vous jure, ça a fonctionné. Caméra 3, elle a vu la photo du gars en train de bailler ça l'a fait bailler. Bref, c'est ce que l'agence brésilienne voulait faire. Ils ont installé un panneau numérique équipé d'un motion sensor, un senseur de mouvement, dans la station de métro Fradique Coutinho à Sao Paulo. Encore à la même place encore? Que l'autre article d'avant. Donc, les gens approchaient le panneau et la face sur le panneau changeait et baillait. Mm-hmm. Donc, les gens, évidemment, commençaient à bailler aussi et on sait que c'est contagieux. Et à ce point-là, l'écran fadait, faisait un petit fondu et montrait un produit de café. Hein. Et comme c'était pas assez, après ça, il y avait des filles super de bonne humeur, évidemment. Tu sais, les gens qui sont too much de bonne humeur. Ah oui. Ouais, surtout dans le métro. Surtout dans le métro. Donc, arrivaient sur la scène avec des échantillons de produits. Vous pouvez voir le petit clip qui montre comment le produit était montré sur assemblagerequis.com. Non, moi, j'ouvre pas le vidéo s'il si baille. C'est ça. C'est super glamour, les filles. Bref, une campagne qui, bien sûr, est efficace. Ensuite, on va chez PFK qui offrait des repas gratuits aux victimes de pannes de réseaux sociaux. Hein, tu sais, si Tinder marche pas, t'as besoin de poulet. Comme dirait... T'as besoin de poulet, t'as besoin de petites chicks. C'est exactement ça, notre chroniqueur Gabriel Béhoud qui ferait une joke de chicks à chaque c'est fois. C'est sûr. Merci, journaliste sur le terrain, Louis-Philippe Quentin. Et on remet ma monnaie. Et il m'a revient un petit deux pièces. Puis il va se joindre à nous, bien évidemment. Absolument. Pour la chronique. Il peut même venir s'asseoir en temps réel sur sa chaise qui est prévue juste pour lui. Donc, c'est ça. On a vu dans les médias, qu'aussitôt qu'un média social est en panne, oui. Ben, tout le monde en parle, les médias. Oh mon Dieu. C'est comme ben ça oui. que ça fonctionne. C'est assez une grosse nouvelle que le journal de Montréal va faire la une avec une panne de Facebook. Là. Bref, PFK en Roumanie et l'agence Mécan a une idée intelligente pour pallier cette situation. Pour la durée de la campagne, les visiteurs sur le site don'tpanicman.ro pouvaient automatiquement confirmer si des sites comme Facebook, Twitter, Tinder ou Instagram étaient down, donc en panne. Et si un de ces sites-là l'était, ils recevaient un code pour du PFK gratuit. Hein? C'est pas génial, ça, la campagne? Tu peux réagir, Louis-Philippe, si t'as envie. Donc, on a augmenté les visites chez PFK de 30% pendant ces social media outage days. Ça me surprend même pas. Pendant le premier mois, il y a eu des pannes chez Twitter, Yahoo, iTunes et Tinder et ça a donné des milliers de repas gratuits. Mais tu sais ce qui me surprend? OK, c'est vrai, cette nouvelle-là. C'est vrai. Ce qui me surprend, c'est que ce soit PFK qui soit arrivé avec l'idée. Et non, quelqu'un d'autre? Ouais. Qui d'autre? Genre McDo. OK. Ouais, mais la question que j'ai à vous poser ici, c'est est-ce que vous choisiriez d'aller au PFK si vous aviez ce repas gratuit-là? Non. Pour un repas gratuit une fois par année, je serais partant, moi. Ouais. C'est bon, c'est meilleur qu'on le pense. Ben oui, sérieux, je doute meilleur pas. Meilleur pour une crise cardiaque, là, ça. Ouais. Je doute certainement pas du fait que j'apprécierais le goût du poulet frit, parce que tu sais, je vais me chercher du poulet frit à l'épicerie, puis je suis bien content de le manger, c'est là, c'est ça? Pas ça le point, mais... Mais je sais pas, ça fait des années que je suis pas allé. Est-ce que ça me convaincrait? Je suis pas certaine. La gratuité de la chose, moi, ça me convainc. Je pense que c'est plus c'est ça, la gratuité, puis aussi participer à une espèce de. Ouais, un engouement social. C'est ça, exactement. Vu que tu peux pas leur dire sur Facebook que tu manges c'est du ça, PFK, parce tu peux que leur dire dans Facebook est tombé. Est-ce qu'ils vont prendre des selfies de PFK pour pouvoir les poster plus tard quand Instagram va être de retour, peut-être? Sûrement. Bref, le bagel sent vraiment bon, Louis-Philippe. C'est à la fin de la connerie, faut être patient. Ouais, Mathieu. Un restaurant de soupe éphémère. Pendant 3 semaines, Campbell ouvrait un restaurant gratuit au cœur de Toronto visant à faire découvrir les possibilités qu'offre la soupe quand celle-ci est cuisinée avec inspiration. Le chef Matt Dean Pettit a pour l'occasion créé 4 soupes inspirées des différentes cuisines du monde. La soupe est présente dans chaque pays et culture, dit-il, baptisée « The Cantina ». Le restaurant éphémère célébrait la saison de la soupe, espérant en même temps donner un coup de jeune à la marque Campbell. Chaque personne venant y déguster une soupe contribuait à donner une boîte de soupe à la banque alimentaire Daily Bread. Ah, c'est gentil. Depuis, l'initiative comportait un volet interactif en demandant à chaque personne de partager des photos avec le mot-clic « We all soup », nous sommes tous soupe, ainsi que la création d'une mosaïque sur un mur du restaurant. Chaque participant plaçait un autocollant et donnait ainsi une œuvre pop art représentant toutes les canettes données à la banque. C'est mignon, c'est super genre grunge comme look, une police un petit peu genre graffiti si on veut sur le mur, avec le beau logo de Campbell, c'est magnifique. Il y a comme une tendance à ça, hein, aux soupes présentement. Ouais, mais c'est le fun, c'est toujours bon de la soupe. Oui, c'est vrai. Tant mieux si ça revient à la mode. Effectivement. T'sais, peut-être pas de la Campbell, ben. La quoi? Peut-être pas de la Campbell. T'aimes pas la Campbell? Ben c'est un peu comme usinesque. Ah, comme ok. Soupe. C'est une soupe grand public. Effectivement. Grand public. C'est mainstream. La suite. Soupe grand public. Snob. Grand retour de la soupe en canne. Le grand retour de la soupe en canne. C'est ça, de la soupe en canne, c'est pas aussi bon que de la vraie soupe. Non, ça, je suis d'accord. Faire sa propre soupe. Oh, que c'est salé. Oh, ah, ben oui, salé. Évidemment. Ça n'a aucun sens. Je suis sensé parce qu'il est salé à outrance. C'est pour ça que je mange à la cafétéria, il n'y a jamais ce problème-là! ouverture d'un restaurant Pepsi à New York, les amis. Ouais. Oui, et la photo, Tania, sur le site. C'est super beau! On dirait pas une marque comme Pepsi. Là. Non, c'est ça. Ils servent exclusivement du Pepsi. Ou genre comme le Gambrinus qui sort des poutines à la bière, eux autres, des poutines au Pepsi. Je sais pas, on va lire. Ça serait pas mauvais une poutine au Pepsi, je suis sûr. Sucré, hey, peut-être. La sauce. Pétillante là. Dans faire, mais faire pétiller la sauce, ça, c'est probablement ce qui serait difficile d'entendre. Je vois le défi. Ça donne de des pétillements à l'estomac. Donc, l'ouverture d'un restaurant Pepsi prévu pour ce printemps dans le secteur Meatpacking District représente une nouvelle façon d'augmenter les ventes de la boisson et de se démarquer de ses principaux concurrents. Sans l'avoir déclaré officiellement, le futur restaurant sera consacré à la génération Y et dans le but de connecter ses membres dans un lieu réel qui s'appelle la Cola House. En entretien avec le New York Times, Seth Kaufman, directeur de marketing du groupe, mentionne que l'objectif est de créer un lieu moderne et interactif et autre bullshit. les différentes déclinaisons de Pepsi... Moi, je saute ces phrases-là. Ces ouais, j'ai vu ça. Hein? Je trouve ça vraiment comme toujours pareil. Donc, les différentes déclinaisons de Pepsi et les autres marques commercialisées par PepsiCo, ils n'ont pas juste de la liqueur. Seront servis dans le restaurant. Le groupe promet un menu élaboré par un grand chef cuisinier, incluant des plats inspirés de la noix de cola à base de la boisson Pepsi. Un barman va aussi y créer des boissons conçues pour le lieu. Pour ne pas faire du restaurant une publicité de Pepsi, le logo de la marque sera disséminé subtilement un peu partout dans le lieu, à l'image de l'Apple Store où les consommateurs peuvent interagir avec la marque ou de la salle d'entraînement Nike. Cette initiative s'inscrit dans le désir des marques de miser sur l'expérience pour se distinguer. Si on décrit un peu, vas-y. Mais tu viens vraiment de dire pour ne pas faire du restaurant une publicité de Pepsi, ouais. Sauf que si tu montes à justement ce que le directeur du marketing du groupe disait, il dit le but ultime est qu'ils partagent leur expérience sur Facebook, Twitter et qu'ils publient des photos sur Instagram. Hashtag Pepsi. Excuse-moi, de faire une publicité de Pepsi que de dire je ne veux pas faire une publicité de Pepsi. Leur logo, c'est vrai. Le logo est sur une petite tuile en arrière-plan. Tu vois là, juste la bulle Pepsi oui, avec une vague dedans. KH est le logo de Pepsi. J'ai quand même l'impression que c'est une maquette, bien évidemment. Oui, c'est pas encore la vraie. Parce que, ouais. Maintenant, le sandwich le plus salissant à Montréal. On est habitué de petits sandwichs qui se mangent en deux bouchées à la chasse-galerie. Donc, c'est le nouveau chili dog. Ouais, Dagwood. Mais tu veux-tu vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est rough le matin. Ça, ouais, c'est ça. C'est rough que... le matin. Pour mes yeux. C'est agressif un petit peu, mais je trouve que ça a même pas l'air bon. Ben là, come on. Ok, on va le décrire un peu. C'est un sandwich avec du chili à l'intérieur, plein de grosses tranches de je sais pas, c'est du pepperoni. Ah, du genre de pepperoni. Ouais. Ouais. De la sauce, des fèves, des piments forts, je crois. Plein de choses comme ça. Donc, la plateforme de création mise sur trois créatifs, on parle ici donc de Dagwood, qui illustre la spécificité singulière du produit et de sa manipulation. L'agence Carl signe la campagne de lancement du nouveau sandwich de la chaîne de restaurants Dagwood's. Le chili dog, dont l'ingrédient principal est le chili, aurait la particularité d'être très salissant. Afin de protéger les vêtements de ses clients, donc Dagwood's leur offre une bavette de courtoisie. La plateforme de création élaborée par l'agence mise sur trois créatifs qui illustrent la spécificité singulière du produit et de sa manipulation, soit le sandwich le plus salissant de Montréal. Campagne sur le web, médias sociaux, ainsi que dans les restaurants Dagwood's avec différents formats d'affichage. C'est le genre de sandwich qui doit mouiller le pain. Ouais, totalement, ça doit être détrempé, dégueulasse. Est-ce que tu penses qu'il y a genre un 6 pouces max pour être sûr que t'ailles pas détrempé ton dos? Ben, il y a pas l'air si gros que ça, quand non, même. Non, c'est minuscule quand même, mais Dagwood, c'est rempli. C'est pas, ouais, Dagwood's, ils se mettent vraiment comme mission de remplir ton pain au maximum, là. C'est ça. Et tu le prends en main, t'as quelque chose de lourd qui t'a coûté sûrement la peau des fesses. Hein? Et il y a des fèves dedans, des fèves, ça remplit bien quand même. Oui, ça me semble nutritif, honnêtement. Ouais. Mais je sais pas pourquoi ils ont mis du pepperoni là-dedans. J'avoue que c'est peut-être de trop. Mais peut-être. Ah, mais imagine du chili dans du pain, là, ça aurait été peut-être. Ouais, c'est un imperméable à sandwich. Voilà. Mais j'aurais peut-être juste doublé le fromage de l'autre côté. J'avoue, le fromage, c'est vrai que ça protège le pain, c'est comme un feutrage. Oui, oui. Quel feutrage. Ensuite. Vous savez, c'était la journée du Nutella récemment. Oui. Donc, la marque de pâte à tartiner célèbre sa journée mondiale. L'idée provient d'une blogueuse américaine qui souhaitait souligner son amour pour Nutella. Ça a été imaginé en 2007 par Sarah Rosso, une blogueuse passionnée de cuisine. Le phénomène est devenu viral dans le monde et sur les réseaux sociaux. L'idée a été prise au sérieux par la marque, y voyant un moyen évidemment de se donner davantage de présence et de créer une proximité avec ses consommateurs. Une plateforme a donc été créée par Nutella pour célébrer l'engouement sur les réseaux sociaux. Des comptes Twitter et Facebook conçus pour ce jour spécial permettaient à la marque d'engager la conversation, se créant ainsi une plateforme de notoriété. Afin d'intégrer l'événement dans la réalité, une ambassadrice de marque fait la promotion de Nutella à New York dans des petites capsules vidéo. C'était le 5 février dernier. Vous pouviez célébrer avec le hashtag officiel World Nutella Day. Et il y a un petit palmarès là-dedans de 10 façons de célébrer la grande journée. C'est ça, je suis en train de lire. C'est tu quoi, peux faire une façons? Recette avec du Nutella. Ouais. Tu peux écrire une chanson ou un poème sur le Nutella. Louis-Philippe est dans un band, il a écrit une chanson sur le Nutella, c'est clair. Non, c'est déjà fait. Voilà. Comme tout bon groupe qui se respecte. Ben oui, évidemment. Manger du Nutella quelque part d'intéressant. Fait que ben si oui. Tu le fais dans ta salle de bain, c'est pas trop, trop intéressant. Ouais. Tu peux faire une photo avec ton pot de Nutella. Ben oui. Faire un dessin de Nutella. Ben oui. Hein? Ben oui, pourquoi pas. À date, là, je les crois tout. Et déclarer ton amour au Nutella sur les médias sociaux. Malade. C'est vraiment des compagnies qui vraiment... s'assurent le plus de, ouais, d'après moi, de ouais. sympathie de son de ses acheteurs. Ouais. Parle. Tu sais, pourtant, on sait qu'est-ce que ça contient, du Nutella. C'est ça. C'est... Des noisettes. Non, mais ouais. surtout des noisettes, surtout oui. Surtout des noisettes, OK? Ah. Ça le dit dans l'annonce. C'est ça. Maintenant, on va dans les pizzas un peu. C'est Little Caesars qui ramène la pizza enveloppée de bacon. C'est la très décadente Bacon Wrapped Crust Deep Deep Dish Pizza pour un temps limité. Donc, la pizza... excuse-moi, j'arrête pas de m'étouffer. Donc, c'est 3 pieds et demi de bacon coupé épais. Autour de la pizza, qui est une pizza deep dish, donc très profonde. Mm-hmm. Et évidemment, pour ajouter encore plus d'euphorie de bacon, ça vient avec des morceaux de bacon sur le dessus et, encore une fois, du pepperoni. Du pepperoni. C'est pas terminé, cette espèce de mode-là du bacon? Ouais, du genre de, comment t'appelais ça? Epic Meal Time? Epic Meal Time. Oui. Bien dit. C'est vrai que ça fait vraiment vieux jeu de ramener ça. Non, mais ça fait longtemps là, que le monde tripe beaucoup trop sur bacon. On a compris, tu sais, 12$ pour la pizza au complet. Mais d'après moi, ça va tendre à disparaître parce qu'au contraire, il y a comme d'un autre main l'espèce de mode de végétarien ouais. qui est là puis de prendre conscience un peu de tout ce que ça prend pour produire un steak. C'est ça. Il me semble qu'il faudrait faire une alternative avec du tofurkey ou je sais pas trop quoi autour de la pizza, quelque chose du genre. Ils doivent combattre le même combat que les gars à la barbe. Les... oui, c'est la même comme... chose. C'est à dire. Ben, ça va-tu partir note. Bientôt? Ah, ou, ok, je vois. Wow. Ah, moi, je suis avant-gardiste. Non, c'est ça. Je porte déjà plus la barbe. C'est ça. Depuis 23 ans maintenant. il s'est pas rasé à date, là, mais bon, en tout cas. Ça ensuite... jamais poussé. On va chez Pizza Hut maintenant qui pense que quelques fans pourraient vouloir manger une pizza en or presque pour célébrer l'anniversaire d'or, donc le Golden Anniversary, 50 ans du Super Bowl. On offrait la chance de faire gagner aux fans une pizza garnie d'or avec presque 100$ d'or 24 carats. C'était donc la Golden Garlic Nuts Pizza qui était aussi un tie-in, donc un petit croisé avec leur célèbre Stuffed Garlic Nuts Pizza, leur pizza avec de la croûte, avec du fromage à l'intérieur et à l'ail. Donc c'est comme un genre de petite fleur, là, si on veut, des petits rayons de garniture, de petites bouchées de fromage. Sauf que là, c'est garni d'or. 50 de ces pizzas-là étaient données le 7 février, bien sûr, le jour du Super Bowl. C'était limité pour des raisons de logistique et raisons légales. Seulement aux résidents de 18 ans et plus du Texas, de l'Ohio, Rhode Island, Mississippi, Géorgie, Louisiane, Virginie-Occidentale. Donc c'est tout. Et vous pouviez envoyer un courriel à pr@pizzahut.com pour peut-être gagner cette pizza garnie d'or. Évidemment, est-ce que tu vois la vidéo de ton côté? Ouais, je m'en vais dire. Est-ce que je suis la seule en regardant la vidéo qui a l'air de trouver que ça n'a pas l'air bon? Ben, ça me fait penser une pub de Ferrero Rocher. Ouais, vraiment. Puis, on dirait que c'est pas voulu, mais que les côtés sont trop noircis. Mais je comprends pas l'or dessus, là. Mettons, c'est la couleur or. C'est des feuilles d'or. Des feuilles d'or. Qui sont mangeables. Ça se mange. Ben, t'as jamais vu du chocolat à l'or? Non. Pour vrai, c'est vrai, ça. Dis-moi en plus. Dans le fond, ça, tu manges cette pizza-là avec un bon grand verre de Goldschlager. C'est ça, exactement. Hey! T'as tout compris. Wow. Ben, en fait, ce sont des feuilles d'or comestibles. On appelle ça comme ça. C'est vraiment des feuilles d'or que tu peux manger. Ça goûte absolument rien. OK. C'est vraiment juste pour donner la couleur or à ce que tu vas manger. Et pour dire que tu manges de l'or. C'est ça. C'est quand même assez dispendieux. 100$ d'or. Ben & Jerry's, on parlait tantôt de tofu. Peut-être qu'il y en a aussi qui sont intolérants au lactose ou qui ne prennent rien de lactose, de laitier. Donc, c'est Ben & Jerry's qui commence à offrir 4 nouvelles saveurs certifiées vegan, donc végétaliennes, de son dessert congelé. Pas de la crème glacée, parce qu'évidemment, c'est pas laitier, donc il n'y a pas de crème. Hein. On appelle on appelle ça dessert congelé et non pas de la crème glacée. Donc, la crème glacée, c'est 2 saveurs classiques que vous connaissez déjà, mais maintenant en format non laitier, ainsi que 2 nouvelles saveurs qui sont exclusivement non laitières. Donc, les 2 saveurs exclusives sont Coffee Caramel Fudge, café caramel, et PB and Cookies, donc beurre d'arachide et biscuits. Évidemment, on comprend ce que c'est, alors que les saveurs classiques qui sont déjà disponibles en Ben & Jerry normal, c'est Chocolate Fudge Brownie et Chunky Monkey, la plus classique aux bananes, la plus populaire, je pense. Donc, les 4 saveurs sont faits avec du lait d'amande à la place du lait. Et c'est disponible en pinte à un prix suggéré de beaucoup trop cher, 5,69. Oui, je sais. Ah, mais Ben & Jerry. Faut vraiment t'attendre qu'il tombe en... On y voit que du feu, Ben & Jerry. Oui, c'est sûr. On croirait qu'il y a du lait dedans. C'est excellent, comme toujours, Ben & Jerry, j'en veux là. Je me demande si, honnêtement, elle est aussi bonne sans lait qu'avec lait. Mais le lait d'amande, c'est bon, en général. Oui, en général. J'ai entendu dire que le lait de coco était celui qui remplaçait mieux le lait normal. Qui paraît le moins comme changement? Ben, c'est que, tu sais, du lait d'amande, tu bois ça. Même chose pour du lait de soya. Il y a quand même un goût d'eau, là, quelque part. Tu sais, pas négatif, il est juste là. Puis, si tu compares avec, par exemple, le lait de coco, c'est que, semble-t-il, j'ai pas encore essayé, mais que le lait de coco a vraiment une texture lait de vache. Ah, ouais, peut-être. Intéressant. Bon, on va essayer ça. Ouais. On peut précommander, on pouvait précommander jusqu'à très récemment le nouveau Quesalopa chez Taco Bell. On pouvait le précommander sur Internet. T'imagines comment tu prends au sérieux quand tu fais qu'un produit de Taco Bell est réservable en ligne. Donc, c'était disponible à partir du 8 février. Mais on pouvait l'avoir 2 jours plus tôt en précommande. Oui, ta.co, donc taco, /pre-order. On suggérait donc le prix de vente de $2.99. On pouvait commander jusqu'à 5. Et c'était disponible au restaurant à partir du samedi 6 février de 14h à 16h pour ceux qui avaient précommandé. Le quesalupa, qu'est-ce que c'est? C'est comme un chalupa avec du fromage fondu dans le chalupa. C'est quoi un chalupa? C'est quoi le chalupa? C'est comme un genre... Ouais, non, j'avoue. Il y a un site web que vous pouvez cliquer dessus. Cliquez sur le lien dans le milieu de l'article, Tania, je crois que tu l'as. Donc, le quesalupa... qui est comme, dans le fond, c'est comme un genre de pas de pizza wrap, pochette, un genre de pizza pochette. Ben, mais pas fermé, mettons, tu sais. C'est comme une croûte feuilletée, si on veut. Ah, le quesalupa, ça. Le quesalupa, c'est le nouveau qu'on pouvait précommander, c'est celui-là. Pour ceux qui veulent se faire une image, là, c'est un petit peu comme un tacos, mais qu'on aurait fait avec un pain nan. Oui, un pain nan, et le pain lui-même a du fromage fondu à l'intérieur, c'est ce qui le rend spécial. Et c'est ce qui faisait que les gens voulaient le précommander, apparemment. Du fromage fondu à l'intérieur de quelque chose. C'est toujours vendeur, ça. Tout le temps. Fromage fondu dans une pâte de chaise. Tout le temps. Elle disait que, dans le fond, Taco Bell disait que c'était leur plus grand lancement de produits jusqu'à maintenant. OK. Ça n'en prend pas grand-chose, eux autres. Non. Because hashtag cheese. Because hashtag cheese. C'est ça leur slogan? Oui. Oui, c'est malade. est-ce que vous paieriez 400$ pour une soirée du Nouvel An? Là, évidemment, c'est passé. Là, chez Olive Garden à Times Square. 400$. Olive Garden, non. Et ça, ben, attends un peu. Si je te disais que ça inclut des bâtonnets de pain. Oh my God. Maintenant, non, combien paierais-tu, tu sais? Donc, un porte-parole de chez Olive Garden a dit à DLA Info donc, que c'était. C'est ça, c'est un souper spécial pour le soir du Nouvel An. Hein, selon le New York Post, 400$ avec un DJ, un bar ouvert et un repas buffet chez Olive Garden. Évidemment, okay, imitation de cuisine italienne. Tu viens de dire tout le contraire de ce que tu as dit tout à l'heure. Là. J'ai dit tantôt. Là, tu viens de nous énumérer tout ce qui vaut le 400$ à la place de tes bouts de pain. Oh, mais les bouts de pain! Ben là! Hey, j'en mangerais 1000. Tu viens de dire bar open, DJ et buffet. Donc là, tu paierais 400$? Non, mais c'est la raison pour lesquelles les gens vont payer 400$, certainement pas à cause de ton petit pain. Je me demande s'ils ont réussi à en vendre même un. Là, sauf s'il y a des feuilles d'or comestibles de vie à ce moment-là. Le... Il est fourré au fromage, ton voilà. Pain, voilà. Petit pain fourré au fromage alors. Bref, c'est gagnant. Il y a d'autres restaurants qui chargeaient encore plus cher pendant le Nouvel An. Bubblegum Shrimp avait un forfait à 800$. Et Ruby Tuesday avait un billet à 350$ et un jusqu'à 1699$. Et encore une fois, tu vois jamais la grosse boule disco tomber du ciel pour ce prix-là. Ben, c'est parce qu'il doit y avoir des télévisions installées oui, à l'intérieur. Sûrement. Mais quand même, ça reste absolument ridicule. Celui-là, il va falloir aller voir sur la page Facebook. Pas sur la page Facebook, sur assemblagerequis.com. Je m'excuse, moi, c'est là que fou, je mets. C'est fou, hein? C'est un gâteau qui a l'air de changer de couleur quand tu le vires de bord. C'est pas, il a l'air, il change de couleur. T'as pas vu la vidéo? Je pense que c'est sur YouTube. Tu vois la fille le faire. Non, décris-nous comment... Ben, c'est probablement à cause des niveaux, ouais, des niveaux de crémage. C'est... Un peu comme quand tu regardes un panneau publicitaire. Exactement. Avec plusieurs... Ouais. C'est comme ça. Puis en fait, elle tourne le plateau puis tu le vois vraiment changer de couleur en même temps. Ouais, ok, je comprends ta définition de dans le fond, il change vraiment de couleur parce qu'en tant que tel, les couleurs ont changé quand tu changes de bord. C'est ça. J'avoue, mais c'est plus ta tête. Mais le crémage change pas de couleur. Ouais, c'est vraiment juste le... Selon l'angle. L'angle. Oui, exact, exact. C'est ça. C'est mais ça a surtout l'air, disons-le, là, il change de couleur, mais il a l'air mauvais, le gâteau. Ouais, ouais, oui. Ouais. Je sais. Ah, voilà. Et on va terminer ce bloc-ci avec, que vivre seul est apparemment mauvais pour votre régime. Ah, bon. Vivre seul, tantôt, on l'a dit, ne pas être en couple, il y avait des points positifs. Des bons avantages, ça. Évidemment, ça, c'est le mauvais. Donc, sans un coloc, sans partenaire, les gens ont tendance à avoir des diètes moins bonnes pour la santé, selon une analyse de 41 études publiées par le journal Nutrition Reviews, par les chercheurs à l'Université Queensland of Technology. Les chercheurs nous apprennent donc que, comparé aux gens qui cohabitent avec d'autres, les gens célibataires mangent moins de fruits, de légumes, de poissons et étaient moins diversifiés dans leur choix alimentaire. Ça a du sens, en tout cas pour moi. Un des chercheurs dit que les gens qui vivent ensemble manquent de motivation pour aller magasiner et faire leur épicerie. J'en suis le premier témoin. C'est vrai, tu fais pas d'épicerie. Jamais. Je te le dis tout le temps. Je le sais, je sais. Donc, c'est ça. Ben, c'est à peu près ce que ça nous apprend, mais je pense que ça surprend vraiment personne, ça. Hein? Moi, j'ai eu une idée à la place de faire les gadgets comme on avait dit qu'on ferait tantôt. On va prendre la pause et on va revenir. On va passer la prochaine demi-heure à manger, je pense. Good, c'est bon ça. Ça tente-tu ça? Ben donc oui, le bagel nous attend. Il va commencer à être froid, là, mais on va commencer à le manger dans quelques instants avec une autre portion d'une grosse pointe en dresse. Restez là. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki, en ce jeudi 11 février 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Toujours avec Louis-Philippe Quentin, qu'on a gardé, rédacteur en chef du Zone Campus. Allô. C'est lui qui est allé nous chercher tantôt au début de la chronique, une grosse pointe en dresse, notre bagel. Et justement, on va avant toute chose retourner à une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on mange quelque chose acheté dans le commerce, en dépanneur ou en magasin. Tantôt, on a parlé de nouvelles fast-food pendant super longtemps. Et maintenant, ben, c'est la deuxième partie, la partie qu'on attendait depuis le début. C'est de goûter au produit de la semaine, la malbouffe de la semaine, qui cette fois-ci est ce que je cherchais depuis des mois, Tania. Ça fait longtemps que je t'en parle, que je dis que je veux trouver ça, et je l'ai enfin retrouvé. Ouh! Celui-là, spécifiquement, le pot en tant que tel. Parce qu'il y en a des... On a goûté il y a quelques semaines une tartinade. Qui n'était pas très bonne, si je me souviens bien. On va remettre en contexte. J'ai cherché le cookie nutty. C'est une tartinade au spéculoos. C'est-à-dire une délicieuse tartinade aux éclats de biscuits caramélisés. Mm-hmm. D'accord? Donc, c'est au vrai spéculoos belge. Pas beige, c'est la couleur du pot qui m'a mêlé. Belge, c'est de la compagnie Pinotti. Hein? Ça dit que ça contient 57% de spéculoos. Cette sorte de biscuit-là. Ça contient du blé et du lait. Ça peut contenir des noix, du soja et des œufs. Ça ne contient pas d'ingrédients issus du génie génétique. OK. Huh. No genetic engineering. Ne pas mettre au frigo. Je les garde dans l'armoire pour être certain. En fait, je l'ai accroché à ma porte hier pour être sûr de l'amener aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive si tu le mets au frigo? Ouais, il va être trop dur peut-être. Non? Ah, c'est pas là, juste ça. Sûrement qu'il pose pas de tentacule, là, ce serait... Dur à tartiner, j'imagine. Toi, c'est pas de tentacule. à consommer de préférence avant la fin de ce qui est écrit sur le couvercle, et je le vois pas, je le trouve pas. Et souvent, ça dit ça, hein? Oui, hein? Peut-être en dessous du couvercle. Meilleur avant, trouver sous le couvercle, là, c'est pas écrit. Attends, je l'ai. 30 novembre 2016. Ah, OK, on est correct. C'est tout neuf. En business. Comment? On est en business. On est en business. 400 grammes pour ce pot-là. C'est saveur originale. Je n'ai pas vu d'autres saveurs. OK. À l'épicerie, je suis allé. Je l'ai trouvé, pour ceux qui veulent savoir, chez Provigo. Parce que chez Métro, j'avais cherché. Je n'avais pas trouvé ce produit que je voulais tant goûter. J'ai dit tout ce qu'il y avait à voir dessus. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, on va pouvoir ouvrir ça. Tania, je te remets le pot de cookie nutty. Louis-Philippe est encore notre messager. Et je te donne aussi le bagel que tu vas devoir ouvrir dans le micro. J'ai essayé de tenir le sac fermé pour garder la chaleur, mais d'après moi, ça sera Est-ce pas... Est-ce que tu me prêterais le couteau aussi? Ah oui, absolument. Le couteau. Je te le lance, celle-là. Attention. Fais attention. OK? Comme ça. Hey boy! Ça a failli J'ai aller failli perdre un œil. On n'aura pas besoin, finalement, de nos petits cups à tartiner qu'on avait été chercher dans la machine à bonbons tantôt. t'as pas ouvert le sac dans le micro magique. Alors, ça. Tu ouvres ça dans le micro magique. Tania, fais ta job comme faut. Excusez. You have one job. I know. Bon. OK, es-tu prêt? Micro magique, oui, il t'attend. Je pars pas des putains, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a du reverb ou quelque chose? On a fait calfeutrer les murs du studio, c'est moins de... En fait, c'est le test parfait pour l'écho, hein. Allô? Il y a un peu d'écho, hein. Mais le micro magique est au max parce qu'il faut entendre le sac. Moi, je regarde le pot de cookie nutty que t'as acheté, Mathieu, puis ça me fait me demander si finalement tu nous as pas menti tout à l'heure, tu vas à l'épicerie. oui, c'est vrai. Mais il va comme une fois par. Choisis ton micro, choisis. Oui, OK. Il va comme une fois par 4 mois, puis sinon, il va plus. C'est pour acheter du cookie nutty. Ben, en fait, j'y vais une fois par. Peut-être. T'as un peu, Tania, c'est pas dessus. J'y vais un petit peu par 3-4 semaines, OK, mettons, des fois, faire une quand même grosse épicerie. Après ça, ben, mes produits, ben, je finis par les perdre parce que je les mange pas des fois. et puis quand. Mettons, hier, j'étais prêt à aller chez nous, OK. Et là, je me suis dit, j'ai plus aucun produit pour une grosse pointe d'adresse. Donc, je suis allé chez Provigo, comme j'ai dit, et j'ai tendance à acheter au moins 4 à 5 produits pour les prochaines semaines pour pas avoir à retourner à l'épicerie pour rien. Tu comprends ce que je fais? Je vois. C'est spécial. Hein? Bref, maintenant, Tania, on est prêt à entendre l'ouverture du cookie nutty. Je me demande, c'est quoi du spéculoos? Ben, c'est ça, c'est des biscuits belges. Ok. Tu peux spéculer. Moi, spéculer. sur le sujet. On entend les gens se sécher les mains dans la salle de bain tellement... J'aimerais ça entendre. Faut que je me branche dans quel... Dans n'importe quel. T'as juste à mettre les écouteurs. Tania, c'est long. OK, perce le... Mais excusez, mais c'est parce que le petit papier d'aluminium, il est pas super facile à décoller. C'est efficace. C'est du beau papier d'aluminium doré, hein. Je sais pas si ça vaut... Encore du doré. Ce que vous entendez ici, c'est le bruit du bagel qui se fait Oh mon beurrer. Dieu! Ça sent pas... Je trouve que ça sent les biscuits au gingembre. OK. Ça, c'est le bruit de moi qui sent. Ça sent un petit peu le gingembre, effectivement. C'est vrai, hein? Ouais. Étrange, c'est pas faux ce que tu dis. Ça sent les biscuits de Noël, mettons. OK. Ben, tant mieux, en même temps, ça va être... Est-ce que le pot est en vitre ou en plastique? La vitre! Oh! La c'est fancy! Magique. On a un produit haut de gamme. Là, est-ce que vous en voulez beaucoup? C'est quand à même... la fois ou... Ah, faut y goûter. Moi, j'en veux beaucoup. Okay. Moi, je dois avouer y avoir déjà goûté. À cette marque-là? Oui. Similaire à cette marque-là. Sincèrement, je me souviens du pot. Ah, ben, sort je vais aussi vous ça avouer m'avait intrigué que... un matin lors de mon, mon ancien travail étudiant. Ouais. Soit que mon couteau est faible, mais t'as un couteau soit en plastique, c'est faut dur. Dire. Mais il a été au froid quand même parce que je suis allé dehors ce matin. Il est resté, comme je l'ai dit, je sur le tartine. Bord de la porte. Tartine-moi ça. On entend zéro le tartinage. Ah, oh, on l'entend pas. Oh! Oups. Il y a des bouts de bagel qui me tombent dessus. En tant que ça tombe sur dessus toi et pas sur nos équipements. Non, ne vous inquiétez qu'on pas. On est du côté de la table où il n'y a aucune chance de danger. Je vais t'avouer que ça sent moins le gingembre un coup rendu sur le bagel. OK. Plus le biscuit. Hein. Ben regarde. Ça sent le bagel. J'aime ça quand vous faites sentir les affaires. Tu sais, je lui ai pas dit ça, j'ai dit regarde. Regarde avec ton nez. Fait que j'ai juste regardé, là, j'ai respiré par la ouais, bouche. C'est ça. Hey, Tania, il s'est abstenu de... Tu peux couper l'autre avant pour pouvoir me le donner plus facilement tantôt. Tout à fait d'accord. C'est gentil. Bref, pendant que tu continues de faire ça, je pense qu'on pourrait peut-être se faire encore quelques petites nouvelles de fast-food parce que j'ai l'impression que ça prend quand même du temps à tartiner un bagel. C'est dur. Ben oui. Donc, PepsiCo qui change un petit peu les machines distributrices pour essayer d'attirer les gens par rapport à leurs produits santé. On disait tantôt que la santé était bien à la mode. Donc, c'est une machine à double température qui offre nourriture et breuvage. Donc, à l'intérieur, on a autant les chips que les barres de chocolat, que les bouteilles de jus, super fancy, de l'humus. On a des jus santé. Et donc, ça s'appelle Hello Goodness. Ah, Louis-Philippe, t'es tellement le meilleur employé au monde de m'amener ça. Merci. Je voulais te le lancer, mais je me suis dit que ça allait peut-être tomber du côté tartiné. T'as bien fait. Donc, les nouvelles machines de Pepsi ont une interface numérique, ce qui permet aux gens de faire leur achat avec une carte de crédit avec Apple Pay. Donc, c'est la machine du futur, nous disent-ils. PepsiCo qui essaie de mettre les produits santé plus en face de vous. Donc, on les met sur le dessus de la machine. Et de l'autre côté, t'as les petits produits un petit peu moins bons pour la santé. Merci. Hein? On a parlé tantôt que tu voulais que je la fasse. En fait, on va en parler tout de suite. C'est les shooters au bacon et au chocolat. Mais c'est parce qu'en fait, je me demandais si c'était vraiment bon. Parce que ça aussi, ça doit à un certain point détremper. Probablement. C'est des shooters de verre. Moi, je dirais que la couche de gras. Ah, peut-être. Que le bacon est refroidi. Doit ouais. probablement bien contenir. C'est vrai. Par contre, on se doute que c'est pas. Doit pas être le shooter de l'année. Voilà. Donc, c'est des shooters, des verres de shooter, en fait, avec une bande de bacon autour. Et à l'intérieur, c'est tartiné de chocolat. Et c'est, j'imagine, pris un petit peu pour être, dans le fond, hein, ça empêche le liquide de passer à travers. Hein. Donc, c'est ça. Il y a un petit didacticiel pour vous montrer comment les faire sur assemblagerequis.com. C'est étape par étape sur le blog Through the Eyes of My Belly, à travers les yeux de mon bedon. Voilà. Tania, après 8 minutes de tartinage, est-ce que tu J'ai tartiné la partie à Louis-Philippe, okay. Puis là, je viens de terminer la partie à moi. Wow! Tantôt, on a parlé d'une pizza qui était dorée, donc on va parler d'un beignet doré maintenant. Et c'est encore une fois à 100$, donc 100$ d'or. C'est du champ, t'as dit, cristal champagne et or 24 carats. Hey boy! C'est disponible au Manila Social Club, un restaurant de Brooklyn, New York. Donc pourquoi pas, c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Hein? Un donut très bourgeois. Hey, terminé, on est prêt. Good! Donc, goûtons tous ensemble. Chin-chin. Première bouchée. Pas pareil mauvais. Avoir un biscuit blendé dans la bouche, c'est pareil. Ça goûte vraiment de biscuit pain d'épices, je trouve. C'est ce que je voulais, ça goûte en fait. En plus doux un petit peu. Un petit peu plus doux. Moins gingembré. Moins gingembré, c'est bon. Un peu comme s'il y avait un bagel en dessous. J'avoue. Mais j'avoue que le bagel vient racheter quelque chose. Mm-hmm. Est-ce que t'as encore les petits bols de bonbons? Mm-hmm. Si tu pouvais nous en servir dans le bol pour qu'on essaie de goûter tout seul. En tout cas, moi je vais goûter tout seul. Je sais pas si je vais y arriver honnêtement parce que je veux pas discriminer la chasse-galerie ou quoi que ce soit, mais les couteaux sont vraiment très difficiles à manier, mettons. C'est la compagnie de couteaux en soi qu'il faut blâmer. Ouais, exactement, pas la chasse-galerie, je tiens à le dire. Ou la chasse-galerie qui a choisi les couteaux les moins chers. L'université. Ouais. Je suis curieux de goûter à ça. Je pense même que je vais te laisser le couteau dedans pour que tu puisses manier le tout. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça va être super bon parce que c'est ce que je cherchais comme goût et je suis satisfait. Mais figure-toi, en train de déjeuner ça à tous les matins. Non, ça serait pas tous trop, je pense. Probablement un peu trop, sincèrement. Sûrement juste la fin de semaine. Ou tu sais, comme pendant le temps des fêtes. Ouais. Okay. Ah, mais la fin de semaine, c'est des gros déjeuners avec des œufs. Ouais, c'est des, ça. Du bacon. Je prends la grosse bouchée de spéculoos. Oh mon Dieu. Je suis la seule qui trouve que spéculoos, ça fait spéculum. Ouais, ça fait ça un petit peu. Ah, c'est bon. Ma bouchée. Que c'est donc bon. Ok, non, moi je suis vendu à ça dorénavant. C'est super cher le pot, je pense que c'est comme 6$ pour le petit pot même. Mais est-ce que ça vient du talus? Non, de Belgique. Attends, c'est vrai, tu l'as dit tantôt. Mais clairement, t'en mets pas beaucoup. Mais non. La compagnie, semble, ça sonne peanut. Ouais. Ça sonne italien. Mm-hmm. Mais moi, je suis du genre à faire. Comme le Nutella, tu sais. Ouais. Mm-hmm. À la fin de semaine, je fais souvent genre une toast à la margarine et une toast à un produit hétéroclite comme, mettons, du Reese en tartinade que j'ai adoré. Tu te rappelles, le Reese en tartinade? Il coûte aussi 6-7$ le pot, mais qui est plus gros que ça. Et celui-là, non, j'en mettrais de bonne épaisseur sur une toast, mais juste une toast. Par semaine. Je lis ici sur le pot qu'il n'y a aucune vitamine. Aucun. Ça, c'est un bon déjeuner riche. Aucune vitamine, mais des lipides, ça, par exemple. Je l'ai pas dit tantôt, ça aurait pu être une bonne chose à dire. Mm-hmm. Bref, voilà. Moi, en tout cas, je mets mon pouce vraiment très loin en l'air pour ça. Personnellement. Moi. Ouais. Non, moyen. Ça goûte bon. Ouais. Mais j'ajouterais pas ça à mon garde-manger. Ah, ouais, ça manquerait pas à mon alimentation de tous les jours, maintenant. Ah, ok. Mais je le mets comme à 3 heures. Hey, là, t'as le choix en haut, en bas ou au milieu. Au quart. Au quart? Hey, on va commencer à donner des notes sur 10 tant qu'à faire. Ben, j'y donnerais 6. Ok. Moi, je pense que la cote à utiliser officiellement serait à acheter, à essayer ou à laisser tomber. À essayer. À essayer. Louis-Philippe? Moi, je dirais. À essayer chez quelqu'un ou dans une émission de radio, parce que si t'achètes le pot, tu le finiras pas. C'est bon, ça. C'est vrai. Ok, moi, je vais le finir. C'est clair, d'abord. maintenant, on continue parce qu'on a encore un petit peu de temps avec une femme qui a réussi à prouver que son corps était comme une... comme fabriquer de la bière. Tu sais, comment on appelle ça? C'est une fermentation? Fermentation, auto-fermentation. C'est une femme qui vit à New York qui a réussi à s'échapper d'une accusation de conduite sous l'état d'ébriété en convainquant le juge qu'elle-même est le produit de la bière dans son corps. Et c'est vraiment que son corps est une ça, là. Une fermentation. Une fermentation. Comment, il y a un mot pour ça, là. Une brasserie, une micro-brasserie. Une micro-brasserie. C'est un rare désordre qui s'appelle le auto-brewery syndrome et ça existe pour vrai. T'imagines? Excusez-moi, monsieur l'agent, c'est parce que j'ai une micro-brasserie en dedans de moi. Ben, ça fonctionne parce que ça existe. C'est un vrai. Mais est-ce que c'est. Un genre de bière chaude. Ça, ouais, ça c'est dégueulasse. Genre... Ça doit être dû à cause du taux d'acidité de ton corps. Je ben, peux pas croire. Fait, je te l'explique. Alors, je viens de fermer le mauvais onglet, attention. Donc, c'est. Un produit extrêmement bio. C'est ton corps produit trop de levure. C'est un excès de levure dans ton intestin qui fait que la nourriture que tu manges et la boisson que tu bois se fermentent et devient de l'alcool. C'est selon le Buffalo News, la défendante avait 35 ans, une professeure, une enseignante en fait, qui a été arrêtée à Erie County l'an dernier après que des gens aient dit à la police qu'elle conduisait de façon un peu n'importe comment, si on veut. Donc, elle a dit qu'elle avait consommé 3 verres plus tôt dans la journée, mais son résultat au breathalyzer a raconté une histoire différente. Donc, son niveau d'alcool dans le sang était à 0.33%, qui est plus de 4 fois plus que la limite légale de 0.08. Donc, elle faisait face à l'accusation. Elle s'est défendue. Ça a fonctionné parce que c'était prouvable. Voilà. C'est quelque chose, hein, ça? T'imagines, ton propre corps fait en sorte que tu fermentes. Ouais. Est-ce que tu boirais ta propre bière? Clairement pas. Pour la boire, il faudrait que tu la ressortes de ton corps. C'est là, ça. Premièrement. Un peu dégueulasse. Tu l'évacues par où? Ah, c'est ça. Ça, bref. C'est une bonne question. C'est ça. Tu peux faire plein de recettes aussi en pissant dans le chaudron, là, j'imagine. Tu peux la faire bouillir, puis la refaire. Mais ça, j'avais déjà pogné, là. C'est peut-être un peu dégueulasse de dire ça le matin, mais j'avais pogné une vidéo sur YouTube. Je crois même que c'était québécois. C'était un médecin qui vantait les mérites de l'urine. Puis là, dans la vidéo, t'avais des messieurs avec des moustaches. Ça date des années 90, là, qui prenaient des grands verres d'urine. Puis aussi, je pense qu'ils pouvaient s'en servir comme pommade. Là. Ah ben oui, évidemment. Tu sais, tu mets ça avec de l'huile de coco, ça doit être bon pour la peau. C'est ça, le recyclage. C'est l'avenir. C'est ça. C'est ce qu'on disait hier. Hey, moi, je suis plus capable d'arrêter. J'ai envie d'en faire d'autres. Donc, on continue avec, je vous jure, je vais passer le reste de l'émission là-dessus. On se quittera exactement à l'heure prévue. On parle de M&M qui sont 3 fois plus gros. Ça s'appelle les Mega M&M. Intéressant quand même. Moi, chez Palm World aux États-Unis, donc j'imagine qu'on va voir ça bientôt. Évidemment, aux États-Unis. Pardon, je m'excuse, c'est au Royaume-Uni, donc je viens de contredire ce que je disais. Ah, Dieu! Bref, c'est ça. C'est disponible en plusieurs saveurs. Ici, on voit l'édition chocolat. C'est en édition limitée, un sac de 128 grammes. de 3 fois la grosseur des M&M. C'était juste ce qui va être dit. L'autre fois, on a goûté à cette chronique-ci le chocolat Awake. Il m'en reste encore 2-3 et j'en mange une fois de temps en temps pour me tenir éveillé. C'est du chocolat avec de la caféine dedans. Oui, on avait testé. Assez de caféine pour que ça reste, ça te tienne réveillé pour vrai. On en avait pris 2 carrés, je crois. Puis un carré équivalait à 1/2 tasse de café. Donc, en théorie, on avait pris 1 tasse de café au chocolat, mettons. C'est cool, c'est bon. Puis, en plus. Hein. Ça avait quand même un effet, mais 45 minutes, 1 heure plus tard. Mais je crois, en fait, que le café normal a également un effet qui n'est pas immédiat. On a tendance à le croire, mais la portion qu'on croit, c'est placebo. Parce que, en fait, vu que c'est un breuvage chaud, dans les premières minutes après que tu l'aies bu, au contraire, ça te calme. Après ça, vient un moment où que... Comme là, mon café fait effet. Exactement le mien, je pense que ça s'en vient aussi. Là, je commence à shaker. J'ai hâte de prendre mon premier café. Que j'ai bu ce matin, là, je parle. C'est ça, ouais, avant l'émission. Là, clairement. Oui, ce matin. Donc, maintenant, le chocolat Awake est disponible en barre granola. Barre d'énergie avec vitamine B ajoutée. Il l'a en plusieurs saveurs. Évidemment, là, c'est sur un blog américain, mais ça va certainement venir ici. T'as caramel et chocolat noir. T'as chocolat noir et barre d'arachide. T'as cinnamon bun, donc brioche à la cannelle. Et t'as coconut apricot, abricot et noix de coco. Ah, c'est des mélanges intéressants. Mais est-ce que tu crois qu'il y a plus de café dedans? J'imagine que ça doit être la même chose que les petits carrés, d'après moi. Une barre, c'est marqué, là, parce que je viens de voir le côté de la boîte de... Ah, tu vois ça, toi? Oui, une barre, ça équivaut à 1/2 tasse. Ah ouais, t'es capable de voir. Ah ben oui, ok, je le vois sur le dessus de la barre. Oui, t'as raison. Donc pareil comme les chocolats. Exact. Ensuite, une autre vue sur les rayons, c'est du beurre d'arachide Jif. Il y a une marque de beurre d'arachide aux États-Unis qui s'appelle Jif à l'érable. Ah, ça doit être pas. J'aimerais ça. Typé. J'aimerais ça mélanger du beurre d'arachide et verser de l'érable dessus. Pourquoi pas? Ouais, moi j'aime pas beaucoup le goût du beurre de peanut. Mm-hmm. Et bien souvent, ce que je vais faire, c'est beurre de peanut miel. Ah, miam. Ah, ça adoucit. Ouais. Je sais pas. Ah, mais donc c'est normal. Je trouve ça très agressant comme goût, le beurre de peanut. C'est normal donc que t'aimais pas le cookie nutty parce que ça goûte un peu aussi le beurre d'arachide. Je trouve un peu une noisette. Ah, tu trouves? Mais j'ai moins de difficulté avec le gingembre que le beurre d'arachide. Okay. Je vais t'avouer que j'avais peur parce que ça ressemble à du beurre d'arachide. Ouais. Donc, Jif à l'érable et à la cannelle aussi de disponible. Ah, cannelle, ça doit être bon. Ouais. Bon, là, on va devoir arrêter parce qu'on est rendu à pas mal beaucoup de temps de chronique et pas beaucoup de temps avant la prochaine émission. Donc voilà, les liens sont sur assemblagerequis.com pour cette chronique. Une grosse pointe d'adresse. Merci Louis-Philippe d'avoir participé. Ah, ben ça fait plaisir. Là, t'es réinvité quand tu veux. Et je nous, venais déjeuner avec vous. Ah, c'est oui, c'est bon, ça. Et nous, on va se quitter. Donc on se retrouve lundi entre 6h30 et 9h30. On n'a pas eu d'invité autre que Louis-Philippe Quentin aujourd'hui. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire. Lundi à l'émission, on va recevoir Samuel Gérard pour sa chronique à 8h30. Et on a Marie-Christine Perra pour sa chronique sur les arts visuels. Mm-hmm. Donc c'est lundi entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, à 11h, c'est le Dîner de cons avec Danny Janvier. À 13h, l'émission La sortie de secours est à votre gauche avec Sébastien Evgartin et Lucas Hubert. Ensuite, à 14h, la rediffusion du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À 17h, Palmarès du Monde en direct avec David Ferron. À 19h, toujours en direct avec Très Blues, Assez Fou, l'émission de Denis Baudin. Oui. Avec des biographies d'artistes, plein de trucs historiques sur le blues. Ça se passe donc à partir de 19h. CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Et j'ai dit qu'on allait discuter avec une pièce que j'avais essayé de faire jouer en milieu d'émission tantôt. Mm-hmm. Je l'adore. Et c'est ce qui va mener à Julien Liberté qui commence à 9h30. Ce sera la pièce My Shepherd par The New Pornographers. Merci tout le monde. Bonne fin de semaine. Et bon café. Bye. Salut. The dots form in skipped. Tripping wires, we have so carefully crossed. The science behind it at a perfect loss. You're my lord, you're my shepherd. Careful, kid, no one gets hurt. You made me. You're my lord, you're my shepherd. Careful, kid, no one gets hurt. You made me. Side.